John est habitué à l'université libre. Ah, bien sûr, les rouges, l'autonome de Barcelone. C'est pour cela que j'ai aujourd'hui fait le séjour de Esquirol. Esquirol, ce n'est pas la place de l'Esquirol. Aujourd'hui, j'ai pris les métro à Esquirol. Parce que c'était un tout petit village en Barcelone, d'où sortaient tous les travailleurs qui travaillaient pendant la grève. Et maintenant, c'est en insulte, en Ah, d'accord. Mais même en toute l'Espagne, si on travaille pendant une grève, vous êtes des Esquiroles. D'accord. Et en plus, ça, c'est vraiment lié à un lieu, quoi. C'est pas lié à l'image qu'on a de l'écureuil comme un animal qui épargne, qui prend pas de risque. Ouais. Si, quand même aussi. Alors, si on voit un groupe de résistance, on voit un groupe de travailleurs, Esquirol. Bon, alors, on va faire l'esquirolage. Alors, un petit compte-rendu de ce qu'on a vu avant. Les deux grandes questions qu'on a essayé de répondre. Pourquoi les observables archéologiques sont comme ils sont, c'est-à-dire l'analyse de la forme, des dimensions de la texture, la substance, matérialité et la propriété mécanique. La solution était une simulation, c'est-à-dire on a créé un modèle du mécanisme causal qui associe ce que nous savons sur l'activité humaine, la physique, la cinématique, les transformations matérielles sur l'objet, et bien sûr, les propriétés observables. Du point de vue de logique formelle, c'est une question de la induction et même de la expérimentation en archéologie. La deuxième grande question, c'était pourquoi les observables archéologiques ont été trouvés à la place qu'ils ont été trouvés. Où et pourquoi? C'est la question de la position, de l'espace, les temps. Et aussi, on a fait une simulation de procédures, c'est-à-dire on voulait créer ou recréer un modèle causal et un mécanisme associatif de l'activité humaine et aussi de la variation sur l'accumulation spatio-temporelle. Aussi, c'est une approche inductive et si on a utilisé des systèmes un peu plus classiques de la modélisation statistique et de la prédiction. Sur le predictive modeling en archéologie, ce sont des corrélations non linéaires, bien sûr. On a trouvé tous ces modèles-là. Et maintenant, on arrive à la très grande question en histoire. Bien sûr, on ne peut pas rester en archéologie seulement sur la question des objets et de la localisation des objets. Mais pourquoi la société humaine a changé sur le passé, est en train de changer maintenant, et toujours continuera pour changer dans le futur? La question classique en archéologie, en histoire, c'est la transformation de l'animalité en humanité, l'origine de l'humanité, l'origine de la diversité culturelle, de l'orogenèse, les origines de l'inégalité sociale, les origines de l'agriculture, de l'État, de la complexité sociale, de l'accumulation du capital. Ce sont des questions traditionnelles en histoire, spécialement en archéologie, parce que traditionnellement, implique en étude de la longue durée. Ah, et bien sûr, il nous manque une question. Est-ce que nous pouvons trouver une approche systématique, formelle, pour étudier ces questions, en dehors de la question de la stricte matérialité ou de la position ou placement des objets? Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire à partir d'une approche formelle, une histoire analytique? Ça veut dire que nous voudrions expliquer les événements historiques si on les place sur une structure causale. C'est-à-dire, il y a un réseau d'actions, de personnes, d'entités qui échangent l'information et une modification dans une propriété produit dialectiquement, si vous voulez, en transformation dans les propriétés des autres entités. C'est toujours la cause et l'effet, mais ce n'est pas une analyse cause-effet du point de vue linéaire aristotélique, mais complexe. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas voir ces rapports à l'histoire. La seule façon de faire l'histoire, c'est si nous sommes placés sur le passé même. Si nous sommes sur le passé, nous pouvons voir les choses et tester les rapports cause-effet. Ce que nous avons besoin, c'est un machine sur le temps, pour voyager sur les places. Mais vous le savez, théoriquement, c'est possible de construire une machine pour voyager dans l'avenir, mais c'est théoriquement possible de voyager sur le passé. Il n'y a pas comme forme de rentrer sur le passé. Alors, si nous ne pouvons pas entrer sur le monde qui existe déjà, ce qu'il faut faire, c'est créer une représentation virtuelle de ce passé. Et c'est dans ces représentations virtuelles qu'on fera des questions, des analyses, des choses. Ce n'est pas si bizarre comme il paraît, parce que toujours les historiens ont créé des mondes virtuels. Et le monde virtuel traditionnel de l'histoire existe dans une narration. Cette narration a été faite à partir des narrations particulières des individus qui disent qu'on a vu les événements historiques au même moment qu'ils sont passés. Nous avons les chroniques des rois, nous avons des témoins, nous avons beaucoup de documentations textuelles, et à partir de ces documentations textuelles, l'historien, l'historienne, construisent un monde virtuel fait de morceaux de narration. Mais c'est toujours une narrative virtuelle. Le passé existe sur le texte, pas dans la réalité. Dans l'histoire, aujourd'hui même, ces mondes virtuels passés sont expressés narrativement, en utilisant le langage verbal. Mais qu'est-ce qui se passe en archéologie? Pour les passés les plus remotes de l'histoire humaine, nous n'avons pas aucune narrative contemporaine, nous n'avons pas de témoins. Même la présence des agents préhistoriques, si nous avons la chance de trouver une tombe, c'est extraordinaire. Mais on a seulement les tombes des personnes les plus importantes. S'il y a un accident, quelques personnes, on peut trouver des corps. Et alors, la possibilité d'avoir des témoins des passés les plus remotes de l'histoire, c'est presque impossible. C'est pour cela qu'il y a place pour faire cette question. Est-ce que l'archéologie est une science impossible? Et les succès du postmodernisme, de l'herméneutique, est très en rapport avec la réponse à cette question. Il y a beaucoup de monde qui dit « c'est impossible ». Et l'archéologie, ce n'est pas une science. C'est pour cela qu'ils ont développé une espèce d'ingénierie du patrimoine historique. Il faut tout simplement ordonner le patrimoine, ordonner les reliques du passé, documenter le passé et rien faire. Après, on peut discuter à partir de notre sens des classes, avec les objectifs sociaux, politiques, mais ce n'est pas une reconstruction de l'histoire. La seule chance que jusqu'à aujourd'hui nous avons, c'est reconstruire le passé à partir de ce qu'on connaît sur la nature humaine. On dit que nous les humains, nous sommes exactement les mêmes aujourd'hui que 3 millions d'années avant. Oui, mais je ne crois pas beaucoup, parce que c'est basé sur beaucoup d'a priorisme, et la possibilité de tester cet a priorisme, c'est incroyable. Si on accepte que la plupart de nos motivations sont créées par la culture, par les rapports que nous avons avec nos contemporains et avec tout ce que nous avons appris comme enfants, mais comme membres d'une société vivante, alors, bien sûr, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est complètement différent de la compréhension d'un Néandertal, de la compréhension même d'un Romain. On va changer. Est-ce que vous pouvez apprendre en faisant des choses? C'est une technique qui existe même en philosophie. Learning by doing. La seule façon de comprendre quelque chose, surtout quand il y a des rapports cause-effet impliqués, c'est alors on va faire les choses. L'approche expérimentale, c'est tout simplement le learning by doing le plus formalisé. Alors, on va considérer cette possibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin d'un groupe, voilà, 1000 personnes, ça irait bien. Si vous pouvez trouver 2000 volontaires, ça serait mieux. Bien construit dans la même proportion d'hommes et de femmes, de personnes à et basse, de smart and clever, des intelligents et pas intelligents. Alors, on prend toute la technologie. Surtout les smartphones, les computers, rien de tout cela, même les vêtements, même la machine à laver les supermarchés, rien de la technologie. On construit un village préhistorique. On les déguise comme des préhistoriques, ou des romans, n'importe l'époque. Il faut qu'ils travaillent comme les gens du passé. Ah, le problème. Il faut qu'ils signent un contrat. Parce que leurs enfants apprendront seulement la technologie qu'ils ont sur ces moments. Et ces contrats devraient être signés pour toutes les générations dans l'avenir. Si on a 4000 ans, ça c'est pas fait. On ne verra pas les résultats de cet expériment, mais probablement les historiens d'ici à 4000 ans auront beaucoup de données. C'est une blague. Mais pourquoi pas, on peut faire avec pas des personnes réelles, mais avec personnes virtuelles. Est-ce qu'on peut faire un programme virtuel, créer une société artificielle? On construira bien sûr un village virtuel, et au lieu de les activités humaines, de la conduite humaine, on pourra programmer des algorithmes, des fonctions. Alors, si on a créé un environnement virtuel, on laisse que ça marche, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est une idée d'une histoire virtuelle expérimentale. On crée une situation initiale, on prend un bouton, et on attend pour voir qu'est-ce qui se passe. Si on commence avec une société créée comme les romans, est-ce que à la fin, on verra le haut Moyen-Âge? Est-ce qu'on laisse beaucoup plus d'âge s'évoluer comme le bas Moyen-Âge? Est-ce qu'arrivera un moment que la Révolution française apparaîtra à nouveau et la démocratie parlementaire évoluera naturellement? Bien sûr, nous sommes sur l'idée d'un modèle, d'une réplica, de quelque chose qu'on utilise en substitution du réel. Il ne faut pas reconstruire le passé. Il faut faire un modèle pour comprendre qu'est-ce qui est connecté et quels sont les rapports cause-effet. Alors, l'idée serait de comprendre le passé parce qu'il existe dans l'ordinateur. Comme c'est un modèle, il ne faut pas représenter absolument tous les éléments. Ce serait tellement complexe. Il y a une petite histoire de Mario Borges qui parlait sur la meilleure représentation du monde et le monde tel quel. Bien sûr, on ne peut pas reconstruire le passé avec toutes les données du passé, avec les millions et millions de personnes qui ont vécu dans toutes les années. L'objectif, tout simplement, c'est de reproduire les structures de fonctionnement, les rapports causaux et les effets, pour expérimenter, pour avoir des arguments et capacités prédictives sur ces modèles. À partir de ces perspectives, une explication historique dans les domaines sociaux a les éléments de construction suivants, des produits, des objets, qui sont les personnes, les objets produits par les personnes, mais aussi l'information. L'information, c'est un objet. Alors, la production, les objets produits des objets. Les personnes sont des objets produits par des personnes. L'information, c'est un produit produit par les personnes qui travaillent. Et bien sûr, les événements. Les événements, ce sont les circonstances dans lesquelles un objet, par exemple une personne, produit un autre objet pour produire d'autres objets. Et il faut organiser tous ces éléments, tous ces blocs initiaux, de façon telle qu'ils sont productifs des modifications, des changements, des évolutions. On arrive à une technologie informatique pour faire cela. C'est une technologie distribuée qu'on appelle Agent-Based Modeling, dans laquelle absolument tout est un objet. Un objet, c'est tout simplement une pièce de code informatique qui est complètement séparée des autres pièces. Alors, on peut représenter avec un agent une personne individuelle, une chaire, une table, ou bien une maison. Absolument tout devient un objet. Qu'est-ce que c'est un objet? C'est tout simplement un ensemble d'attributs avec des règles de comportement, une mémoire, des ressources pour fonctionner, et bien sûr, de système de décision. qui permet de modifier ces runes. Vous avez un morceau de code qui est capable de se modifier lui-même. Et bien sûr que obtient l'information de l'environnement, des autres agents qui puissent exister dans ces modèles, et qui envoie les réponses. Et ces réponses sont capables de modifier les structures internes des autres agents sur le système. Tout peut devenir un objet. Les plus simples sont les objets. Alors, une maison, une construction, les outils, ce sont des objets. Les seules choses que nous avons, ce sont des attributs. On a parlé beaucoup sur la question des attributs en archéologie. Alors, la forme, la localisation, beaucoup de sujets sur cela. Il n'y a pas un problème. Les animaux. Alors, si les hommes et les femmes chassent et ont des troupeaux, pourquoi pas, on peut représenter toute la dynamique des animaux. Alors, les animaux, ça vont des questions biologiques, des questions de taxonomie, des questions éthologiques, qui sont des règles de comportement, des questions extrêmement biologiques, c'est l'approvisionnement de ces animaux, la biomasse qu'on peut obtenir. Toutes les choses que nous pouvons savoir des animaux. Et bien sûr, les personnes. On peut représenter une personne avec un agent. Qu'est-ce qu'on a besoin alors d'informations de l'âge, du sexe, qu'est-ce qui a besoin de personne pour survivre? Ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a obtenu. Bien sûr, aussi, les personnes ont une culture qui est héritée de la naissance et appris. Il y a une connaissance parce qu'arrivent des informations externes et ce sont des données stockées par les personnes. Il y a des valeurs éthiques et morales. Et les personnes ont des objectifs, des plans pour faire des choses. Alors, c'est une idée dangereuse. Ce n'est pas très populaire. Est-ce qu'on peut représenter les personnes? Bon, il y a pas mal de discussions philosophiques à ces propos. Je vous propose la lecture de Jean Pollock. Comment construire une personne? Il y a une philosophie analytique, toute la moderne théorie cognitive, qui nous apprend que c'est très compliqué une personne, mais c'est analysable. Il y a des règles, il y a beaucoup de choses pour apprendre une personne. On ne peut pas recréer une personne complète sur l'ordinateur, mais on peut apprendre beaucoup de choses à partir d'une représentation mécanique de la cognition humaine. En général, comment est-ce que ça marche? Un agent qui représente une personne, comme vous voyez, il arrive des messages d'information. Ce sont des autres agents humains qui envoient des messages d'information. Ou bien l'agent est capable de percevoir des choses sur l'environnement physique. Alors, cette information arrive en mémoire travail où des croyances, des objectifs, des planifications sont déjà établies. Le système en mémoire à longue durée, où les systèmes conceptuels, les croyances, les systèmes sont déjà stockés. Et bien sûr, peuvent être modifiés. Et il y a un système règles modifiables à mesure que l'agent arrive à comprendre des choses pour associer les croyances, les objectifs et l'état actuel de la mémoire à courte durée. Et comme résultat, il y a une activité. Il y a des déplacements, il y a des choses, l'agent décide tout et quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui sont la décision, le résultat de la compréhension de la situation occasionnelle avec tout ce que l'agent a appris jusqu'à ce moment-là. Vraiment, ces agents sont stupides. Dans les modèles de simulation basés sur agents, on peut travailler avec des agents réactifs. Alors, si sur l'environnement il y a cela, il faut faire ça. Il faut manger. Pour cela, il faut que j'étudie tous les animaux qui se déplacent. C'est très très réactif. Mais en plus, on peut créer des agents délibératifs, des agents doués avec un pouvoir cognitif d'apprentissage. Alors, on arrive à la rationalité. Il y a pas mal de travaux en philosophie, même en sociologie, même en psychologie sociale, très en rapport avec ce que les entrepreneurs font dans le monde du business, mais pour comprendre en général qu'est-ce que ça veut dire la rationalité humaine. On croyait beaucoup jusqu'à les années 50, mais aujourd'hui, on a appris beaucoup plus sur la rationalité humaine. D'abord, la rationalité humaine a été représentée avec système d'optimisation. Il y a beaucoup de simulations basées sur l'agent qui travaillent sur l'hypothèse de l'optimisation. Ça veut dire que l'agent doit avoir appris dès la naissance une série d'alternatives d'actions. Il y a des fonctions utilitaires qui doivent être maximisées ou minimisées pour choisir une de ces questions. L'implémentation la plus normale de ces décisions rationnelles vient de la théorie de jeu, qui est assez populaire même aujourd'hui dans la simulation en archéologie, en sciences sociales et en économie. Bien sûr, c'est une théorie des années 50, très très basée sur l'idée des stratégies d'équilibre, qui explique pas mal de choses. Il ne faut pas être cognitif, philosophique pour prendre des décisions. Tout le monde prend des décisions. Les études d'expérimentation en économie ont trouvé que beaucoup de décisions humaines, même si elle apparaît être non consciente, on a un mécanisme de théorie des jeux d'optimisation. Le problème pour l'optimisation, c'est qu'il faut que les agents comprennent beaucoup de choses, qu'ils ont beaucoup d'informations pour alors lancer les procédures d'optimisation et maximiser ou minimiser, selon les cas, les fonctions d'utilité. Attention, parce que les fonctions d'utilitaire ne sont pas nécessairement physiques. Les fonctions d'utilitaire peuvent être morales, peuvent être n'importe quelle chose. Il y a beaucoup de travail sur fonctions d'utilité, de sorte morale, de la bonheur par exemple. Il faut maximiser le bonheur, et pour cela je prends cette décision. Il faut minimiser l'horizon, c'est pour cela que je deviens révolutionnaire. Le problème, c'est que tous les agents travaillent toujours avec information incomplète. Quelquefois, nous sommes conscients de la manque d'information. D'autres fois, c'est très possible qu'un agent croit qu'il a toute l'information nécessaire et prend une mauvaise décision parce que l'état d'information était incomplet sans que l'agent connaisse cette question. La solution, c'est le mécanisme de rationalité limitée. Le bounded rationality, qui est une des grandes caractéristiques de l'intelligence artificielle. Sur les premières années, l'intelligence artificielle travaillait sur des systèmes déductifs purs, alors des systèmes d'optimisation très très aristotéliques, si c'est vrai ou c'est faux. Après, on a commencé à travailler avec l'optimisation. On doit être parfaitement correct pour prendre une décision. On doit être tout simplement la meilleure alternative possible dans l'état actuel des connaissances. Aujourd'hui, ces décisions peuvent être foussies, que ça veut dire floues. Alors, je crois que c'est mieux ça que c'est autre chose. Avec ce mieux, ce n'est pas très bien compris par les gens. Ce sont des questions floues. Et la possibilité de la logique floue nous apprend beaucoup sur la possibilité des décisions. Mais s'il y a une autre chose, c'est que si, en dehors des niveaux de l'agent individuel, si nous avons un ensemble d'agents qui sont limités par la rationalité limitée, le résultat est un système probabiliste. Alors, si la question est très complexe du point de vue de l'individu, le résultat que la plupart d'agents font une conduite, et une minorité pour une autre conduite. Alors c'est une question de déprogrammer à quel niveau. Si on programme au niveau des grands groupes, c'est tout simplement d'implémenter une certaine probabilité. La plupart des gens feront ça. Mais il y a toujours une minorité qui est contre la majorité. Et cette minorité peut être une minorité, un excès ou un défaut. Alors, du point de vue technique, un modèle agent est tout simplement un très très complexe réseau de systèmes experts. Ce sont des systèmes de règles, les systèmes de règles qui sont modifiables et tous sont connectés de façon telle qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent entre tous les agents. Les agents sont capables de modifier l'état et de modifier l'état des autres choses. Bien sûr, en archéologie, parce que nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur l'agent individuel, on peut créer des agents qui soient des groupes. Au lieu de simuler une personne individuelle, on peut simuler une famille, on peut simuler un groupe, un village, même une nation, un territoire. Bien sûr, l'ensemble d'attributs sera différent. Ce n'est pas la même chose d'écrire un individu et la mémoire individuelle que d'écrire un groupe d'individus, une mémoire collective. Quand on commence à travailler à cette échelle d'analyse, alors il faut introduire beaucoup de bruit aléatoire. Parce qu'un groupe, ça veut dire que pas tous les membres du groupe sont exactement les mêmes. Il y a toujours une source d'aléatoriété que doit être implémentée. On a parlé des agents, mais les agents virtuels doivent vivre dans un environnement virtuel. Ah, ça c'est la partie la plus simple, parce que nous pouvons utiliser le GIS, toute la technologie du GIS, parce que c'est déjà, alors vous avez un paysage sur l'ordinateur. Vous avez un paysage avec difficulté de déplacement, à cause des barrières géographiques, la topographie, etc. Mais en plus, vous avez toutes les variables écologiques du point de vue de ressources, d'animaux, végétation, etc. Et on peut implémenter n'importe quelle complexité de GIS sur un modèle d'agent. Le plus simple, c'est diviser l'environnement en patch, en bloc, carré. Et chaque bloc aura des attributs. Alors, combien de ressources, de végétation ont? Quelle est la productivité moyenne? Quelle est la quantité de eau que de la cave phréatique peut arriver? Quelle est la pluviométrie dans absolument tous les différents points? Il faut introduire des données. Mais si vous avez un système GIS, il est relativement facile de traduire toutes les données du GIS. La question c'est qu'est-ce que vous voulez? Si programmer les différentes catégories végétales comme objet, comme agent, ou bien comme attribut de l'environnement. Par exemple, les animaux. Si on est en train de simuler un groupe agriculteur qui ont des troupeaux, on peut dire que la variable quantité d'animaux est un attribut de la place, ou bien vous avez une place avec une végétation et des troupeaux, ce sont des agents qui commencent à se déplacer et manger les ressources végétaux sur place. Et après, les humains feront des activités sur les agents animaux, etc. Jusqu'ici, on vient de décrire l'aspect passif, discret, du système. Mais la question la plus intéressante d'un système basé sur agents, c'est la dynamique. Les agents font des choses à partir de ce qui décide Dieu, disent les programmeurs, bien sûr, et toutes les règles qui sont déjà programmées sur le système. Il y a des règles qu'on appelle, des variables qu'on appelle globales, qui affectent tous les agents dans le système, par exemple le climat, et des règles sont locales, qui sont tout simplement exclusives de certains agents, pas de tous les agents. Vous pouvez représenter n'importe quelle variabilité, même d'agents de même type. Il y a beaucoup des humains. Tous les humains sont différents de tous les animaux. Mais bien sûr, pas tous les humains sont les mêmes. Il y a des différences entre les humains. La chose la plus intéressante, c'est de représenter la complexité de tout ce que les agents peuvent arriver à faire. Et bien sûr, si vous ne programmez pas les choses qu'ils font, le système ne fera pas. Ça, c'est très important du point de vue déclaratif. C'est un outil d'explication, c'est un outil expérimental. Alors, il n'y a rien, n'existe rien dans le modèle que vous n'avez prévu. C'est pour cela que les conséquences sont analysables. Ce n'est pas une boîte noire, c'est une boîte complètement transparente. Alors, les choses les plus faciles, c'est d'introduire les dynamiques environnementales. Le climat, la pluviométrie, même les catastrophes naturelles, les systèmes de reproduction naturelle. Si les arbres ont une croissance annuelle, il faut placer la croissance annuelle. Si vous avez un taux de reproduction de productivité des semences préhistoriques, vous pouvez introduire tout cela. Vous avez une machine climatique, mais cette machine climatique peut aussi avoir des catastrophes imprévisibles. Alors maintenant, je ne sais pas, la grand-mère de toutes les tempêtes. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a l'éruption d'un volcan et un effet hivernacle pendant 3 ans? On peut faire beaucoup d'expériments de situations catastrophiques. Du point de vue dynamique, la première partie de la dynamique, c'est la démographie. Les agents doivent survivre et se reproduire. Les bases biologiques sont assez connues. Alors, si un homme trouve une femme, et passe quelque chose, il y a une probabilité qu'ils ont une descendance. Mais la démographie, c'est plus que ça. D'abord, ce n'est pas n'importe quel homme trouve n'importe quelle femme. Il faut que le déplacement soit imaginable. Il faut que tous soient dans son voisinage. Il faut qu'il y ait une règle sociale, politique, morale, pour voir si c'est la femme, si c'est l'homme. Et après, quels sont les éléments qui héritent le descendant de cette couple. On peut représenter n'importe quelle sorte de famille. Puis il faut créer le type de famille que vous voulez. Et on peut commencer avec des familles nucléaires pour voir s'il y a une évolution vers des familles extenses, pour voir n'importe quelle chose. Aujourd'hui, la démographie sociale vous donne beaucoup de renseignements à ces propos. Et un des sujets les plus intéressants pour la simulation des processus historiques, même préhistoriques, c'est la possibilité de simuler la démographie préhistorique à partir de tout ce qu'on peut arriver à supposer sur la reproduction et les filtres sociaux et politiques de la reproduction. Et bon, les actions. Quelles sont les actions des agents personnes? Alors, les agents vont se déplacer. S'ils sont à la préhistoire, ils doivent chasser, recueillir des végétables. S'ils sont des agriculteurs, ils vont produire de la subsistance, ils vont planter, ils vont faire de la semence, ils vont faire beaucoup d'activités économiques. Mais alors, ils vont s'échanger, ils vont coopérer. Il y a beaucoup de façons d'interaction. Il y a des interactions qui empêchent les autres de faire des choses. Il y a des interactions qui sont obligeantes. Alors, moi, je suis qui ordonne, tu dois faire cela. Il y a une interaction positive ou négative. Je peux tuer, vous pouvez mourir, je peux rober. Alors, il y a beaucoup de choses, des voleurs, il y a beaucoup de mécanismes qu'il peut représenter. Il nous manque, il y a de la bibliographie pour dire comment représenter la conduite des actions humaines. Il y a de la bibliographie, mais toujours c'est pas assez simple. Voilà un exemple tout simplement de qu'est-ce que ça veut dire se déplacer. Voilà un des codes que nous utilisons. Par exemple, il y a ici une règle de follow le local leader, mais ça c'est en fonction aussi. Qu'est-ce que ça donne le leader? La personne qui a plus de succès. Si c'est une société nomade, à qui il doit suivre dans les déplacements? Alors, c'est lui qui a plus d'honneur social, celui qui est plus succès économique, plus succès social, politique, etc. Et toujours, on peut prendre aussi des coefficients probabilistiques. Alors, déplacement, il faut suivre le leader, mais tout simplement, les 80% de la population suivra le leader. Il y a toujours un 10% des gens qui décident de suivre son chemin. Ici, on entre dans un sujet très très important et très utilisé aujourd'hui dans la sociologie analytique. que c'est un courant de sociologie qu'il paraît qu'il n'est pas assez populaire en France. C'est un courant de la sociologie d'origine suédoise, nordique, avec beaucoup d'auteurs hollandais, anglais, Oxford University. Bien sûr, c'est une réaction de la sociologie contre le postmodernisme. Il travaille beaucoup sur la question de le mécanisme et la causalité non linéaire de questions sociales. Un mécanisme serait tout simplement une entité, une série d'activités qui sont organisées par qui produisent des modifications dans les entités qui participent. C'est une métaphore, bien sûr. Les actions sociales ne sont pas un mécanisme. Mais du point de vue des représentations, c'est une métaphore très, très intéressante parce que nous pouvons introduire toujours des modifications de n'importe quelle entité. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui ne peut pas puisse être représenté mécaniquement? On ne sait pas. On a commencé à travailler. Alors l'économie, c'est très facile à représenter. Étant donné que la psychologie, les sciences cognitives ont avancé beaucoup, la façon à faire des influences sur les autres personnes, même sans les toucher, on commence à être très très important. Voilà quelques théories sociales intéressantes à ce propos. La théorie de l'action qui est complètement différente de la théorie de l'agency, car Bourdieu, Giddens et la sociologie, pas contemporain. C'est plus ancien, bien sûr, Leontief, et qui a beaucoup influencé la psychologie sociale, tandis que Giddens et Bourdieu ont influencé plus sur la question de la sociologie. L'idée de l'action sociale, c'est, on va dire que c'est défini en termes de la modification consciente de la réalité. Toujours qu'il y a un agent, ensemble d'agents, qui consciemment vont modifier n'importe quel aspect de la société, nous avons une action sociale. Des éléments plus importants de la théorie de Leontief, c'est la question d'analyser. Il y a les sujets, la personne, l'agent ou les groupes. Il y a l'intention, les objectifs, les activités qui sont réalisées comme actions individuelles ou coopératives. Cette individualisation des activités, c'est vraiment très très important parce que ça nous aide à l'air de trouver le mécanisme ou la métaphore mécanique pour faire la représentation. Toutes les activités sont orientées à des motivations. Il y a quelque chose, une directivité dans les actions. Et la motivation, c'est un objet. Peut être aussi représenté. Alors nous sommes vraiment très très très avant la programmation, la simulation sociale. Mais toute la théorie et des auteurs surtout scandinaves, finlandais, qui ont développé la théorie de Leontief, ont travaillé dans ces sens-là. Un autre aspect très intéressant, c'est la théorie de l'influence sociale de Léon Stein, surtout André Novak, qui ont travaillé beaucoup à ce sujet. Alors, il y a une conduite. Cette conduite, c'est le fruit des influences des autres. Qu'est-ce que ça veut dire une influence? Une influence, c'est une activité, ou c'est tout simplement un channel, une information qui arrive aux agents différents. Alors, vous voyez qu'il y a des croyances conducturales, il y a des croyances normatives, des croyances de contrôle qui sont perçues ou pas perçues, perçues de façon incomplète ou complète. Ici, il y a beaucoup de logiques floues qu'on peut utiliser ici. Le problème de l'intention, de la motivation individuelle, de la motivation de tous les agents, etc. Et il y a alors des calculs pour arriver à faire de comment évaluer toutes les influences qui arrivent sur l'individu pour comprendre alors la réaction, l'activité qui prend sur l'individu. En général, quand nous sommes dans la simulation, le résultat de toute cette réflexion, c'est pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Et la réponse est parce qu'un autre genre a fait une chose. Moi, je ne suis pas seul dans le monde. Si moi, je suis ici, c'est parce que vous êtes ici. Si vous êtes ici, c'est parce que moi, je suis ici. Il n'y a pas une obligation. Alors, ce n'est pas un rapport linéaire. Il y a une causalité. Ça veut dire, je ne fais pas ce que mon voisin fait. Mais je suis influencé. Parce que j'attends de ce qu'il fait. Parce que j'attends que les résultats de l'action des autres auront sur mes objectifs individuels. Et bien sûr, mes objectifs individuels sont aussi partagés partiellement par tous les individus qui sont dans les groupes. Tout cela est implémentable sur le système. C'est une théorie très très en dehors de la théorie de l'agency, c'est la division entre l'action collective et l'action individuelle. Alors, moi j'ai une tendance à penser que, étant que scientifique social, nous concentrons sur l'action collective et que l'action individuelle est en dehors de notre analyse. Je ne peux pas savoir pourquoi vous, individuellement, vous êtes ici un jour de grève. C'est impossible, il y a beaucoup de questions individuelles. Moi, je suis un réactionnaire, je suis pour la droite, et je suis contre toutes ces sortes de révolutionnaires. Et pour cela, n'importe quel le sujet de la conférence, il y aura des sous, simplement parce que je suis contre la révolution. Ou bien parce que, je ne sais pas, j'étais ennuyeux chez moi, je ne savais quoi faire, pourquoi pas, je viens ici. Alors, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la question de la psychologie, de la psychanalyse. Si est-ce que ça existe, ça, c'est une science que je ne sais pas. Mais je ne peux jamais arriver à l'étudier. Mais ce que je peux travailler, c'est l'action collective. Parce que l'action collective n'est pas la sommation simple de la volonté individuelle. Ça existe. Quelquefois, l'action individuelle, c'est plus important que l'action collective. Bien sûr, pour entendre Shakespeare, il y a beaucoup d'actions collectives pour comprendre un écrivain qui est auteur de merveilles, mais c'est surtout alors beaucoup de questions individuelles. Je n'arriverai jamais à savoir pourquoi Shakespeare a fait les ouvrages qu'il a écrits. C'est ce que c'est lui qui a écrit et pas le duc de Windsor qui dit des choses comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui il y a de la grève? C'est une question de l'action collective. Ça, je peux l'analyser. Parce qu'il y a une régularité, un sens de l'ordre, pas dans le sens politique, bien sûr, mais dans le sens mathématique de l'ordre. Alors, ça c'est l'idée de la simulation. Voir qu'est-ce qui se passe avec l'action collective. On a implémenté les agents, on a implémenté l'environnement des agents, et toutes les actions, tout ce que l'environnement et les agents puissent arriver à faire. Et alors, il faut exécuter la simulation. Alors les gens commencent à travailler, commencent à se déplacer, ils utilisent l'énergie, bien sûr, ils doivent survivre, pour survivre, ils doivent manger, pour manger, ils doivent chasser, voler ou produire des choses. Mais bien sûr, nous ne sommes pas des estomacs bipèdes, il y a beaucoup de rapports de reproduction sociale. Il faut que j'interactionne avec des autres gens, par exemple, mes potentiels concurrents. Il y a beaucoup de choses que je dois faire avec mes voisins, et bien sûr, des informations qui arrivent des individus qui ne sont pas des voisins. Problème d'exécuter la simulation, c'est l'idée du temps. Il faut implémenter l'ordre des activités. Bien sûr, l'exécution sera en parallèle, mais il y a des cycles individuels. Alors, le cycle individuel, le plus simple, c'est dire, un jour, lever le matin, il faut que je prenne un petit déjeuner. Si je n'ai rien, je suis affamé. Alors, le plus urgent que je dois faire, c'est manger. Si je trouve des copains, pas de problème, je suis affamé. L'interaction sociale viendra après. Mais si j'ai besoin de quelqu'un pour qu'il m'aide pour trouver le manger, alors j'ai fait une coopération. Il a un ordre des choses. Cet ordre, on appelle le cycle individuel des agents. Et des résultats de ce cycle, il apparaît la notion de temps. Il faut programmer ce cycle pour les agents. Alors, les agents, les différents types d'agents ont un cycle. Le cycle des agents animaux est différent du cycle des agents personnes. Le cycle des agents objets, c'est différent des cycles des agents familiaux. Il y a un code pour représenter ce cycle, le passé temps, que c'est l'arc d'état du système. Le système passera par différents états. Et par conséquent, il apparaît l'idée des temps. Parce qu'il y a des cycles, alors la réponse du deuxième cycle ne sera exactement l'angle comme les premiers cycles. Pourquoi? Parce que l'état actuel de l'individu est changé. Après un jour, bon, je suis ça, si j'ai mangé. Alors maintenant, j'ai pu commencer à faire de la philosophie, ou à prendre, ou à faire de l'art. Bien sûr, les déchets métal, et une autre fois, un état affamé. Alors j'ai oublié de la philosophie, parce que le premier, c'est vivre. Et ces séquences des modifications, des changements de valeur, c'est ce qu'on appelle les temps. Et c'est l'objectif de la simulation. Qu'est-ce qui change? Parce que les différents gens sont toujours en train d'échanger quelque chose. Attention, parce que tous les changements ne sont pas très très visibles. Il y a surtout un changement qui nous intéresse beaucoup. Ce n'est pas les changements individuels, des attributs des individus, mais de l'organisation globale des attributs, des agents, d'une certaine sorte, d'un certain type. C'est ce qu'on appelle la propriété émergente. Ce sont des patrons, des régularités qui apparaissent comme résultat d'interactions plus simples à une échelle d'analyse intérieure. Bien sûr, ici, on n'a donné pas l'ordre aux agents. Alors, il faut que vous vous concentrez sur cette place. C'est le résultat qu'on commence à chercher des choses et par conséquent, il apparaît une propriété émergente qui est une agrégation spatiale. Alors, ça, c'est la dynamique du système. On appelle conduite adaptative, mais c'est tout simplement adaptative sur le sens computationnel. Ce n'est pas darwinisme. C'est adaptatif parce que toujours, l'agent modifie son état et agit sur l'environnement à partir de l'état actuel qui est en train de changer. Et cet état de changement se produit toujours en ligne avec l'information de l'environnement. Si l'environnement change, l'individu semble qu'il s'adapte, que veut dire réponse aux changements environnementaux avec un changement. C'est très très important de monitorer la simulation. Ce n'est pas de question, alors, ce sont les agents, à voir qu'est-ce qui se passe. Il faut découvrir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas si simple. La solution que nous avons trouvée, c'est de travailler beaucoup avec l'idée d'index social. Un index, c'est une variable statistique qui est très très travaillé sur la sociologie, et spécialement sur la sociologie analytique. Alors, c'est l'index de richesse, c'est l'index de pouvoir, c'est l'index de domination. Il faut créer des index. Ma suggestion, c'est d'utiliser des index qui existent déjà sur la théorie sociale. S'ils n'existent pas, il faudrait les créer. Les économistes, aujourd'hui, on a découvert, il y a quelques économistes dans les dernières 3 années qui ont gagné un prix Nobel, tout simplement pour dire que dans la science économique actuelle, il nous manque des index pour voir les réponses des sujets économiques. C'est un domaine qui est en ébullition, qu'on travaille beaucoup sur cela. Mais non, pas mal des index que nous avons pour étudier les dynamiques, mais pas mal de variables pour monitorer les résultats, les modifications, les changements, les nouvelles propriétés émergentes qui puissent apparaître sur une simulation. Alors, on voit un exemple. C'est un travail que nous avons fait sur la simulation de l'ethnogénèse et de la diversité culturelle dans des formations qu'on appelle de petite échelle, des chasseurs-cueilleurs. On a déjà publié quelques travaux sur ce modèle, mais le modèle, c'est complètement un état de développement. Tout cela, c'est la publication de la version 1.7, et aujourd'hui, nous avons déjà travaillé sur la version 1.9. Alors, quelle est l'idée et le sujet? Le sujet, c'est classique, l'idée des cultures en archéologie. Ce que les archéologues appellent culture, que c'est tout simplement des différences observées par les archéologues. Malheureusement, d'une façon très très subjective, alors moi je crois que cette industrie c'est différent à celui-ci. Alors, les moustériens ont la pharacie, c'est différent de moustériens de tradition achélienne. La culture de vase campaniforme est complètement différente de la culture de reine d'échange d'urne de marne. Il y a différents groupes culturels. Quand on essaie de faire des études statistiques classificatoires, quelquefois c'est différent. Cette groupe archéologique n'existe plus. Une autre occasion, les statistiques donnent un pouvoir à cette question. Bien sûr, c'est quand on voit en archéologie, l'idée de la culture en archéologie, c'est une expression de la différence culturelle en anthropologie et ethnologie. Voilà notre travail sur les champs, en Patagonie. Alors, on travaille sur ce que les ethnologues amateurs du 19e siècle croyaient qu'étaient des groupes différents. Mais bien sûr, nous avons des groupes avec un mot absolument faux. Par exemple, les groupes Yamana ici, la parole Yamana, en langue Yamana, ça veut dire homme, varon. C'est tout simplement parce que l'ethnologue a demandé un Yamana. Comment est-ce que se dit homme? Moi, je suis un homme. Mais ce n'est pas le nom du groupe. Aujourd'hui, les Yamana ont tendance à s'appeler Yagan. Parce que Yagan, c'est le nom d'un toponyme qu'ils ont utilisé. Nous sommes les gens qui habitent sur les toits de Yagan. D'autres groupes, ceux Aonikeng, les gens du Sud. C'est difficile qu'un groupe comme patronymique utilise nous, les gens du Sud, parce que ça existe qu'il y a des gens du Nord. Gunenakun, ça veut dire nous les hommes, les gens de la même sang. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la définition d'un groupe? Quelques groupes ont trouvé un ethnonyme. Mais c'est ethnonyme, si on utilise l'étymologie, c'est complètement faux. Et vraiment, c'est une identité imposée par les colonisateurs. On travaille plus sur la distinction linguistique des analyses de linguistique statistique. Combien de langues on peut trouver? C'est pour cela que le Gununakun est différent de l'Arihash, est différent de Teuchan, est différent de Shawashakuna, différentes langues qu'on trouve. Et bien sûr, il y a beaucoup de rapports. Alors, la langue des indigènes ici, c'est la même langue des indigènes ici, mais complètement différent des groupes qui habitent ici. Bon, on commence par les idées, la théorie. Bien sûr, si vous n'avez pas une conceptualisation théorique, c'est impossible de simuler n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est un groupe ethnique? C'est un groupe de gens, les membres duquel on considère que sont en quelque chose commun. Et aussi, quelquefois, sont distingués par les autres. Quelquefois, la distinction est interne, quelquefois externe. Ce sont les autres qui considèrent à vous les groupes. Et quelquefois, c'est interne et aussi externe. L'apparition de cette identification est la conséquence de beaucoup de processus sociaux. Et toujours en phase de négociation. Alors, vous les Français, aujourd'hui, la notion des Français est complètement différente que la notion des habitants de l'Hexagone avait 100 ans avant. Alors, la question de la recherche, c'est pourquoi les groupes de personnes sont la façon qu'ils sont. La question de l'apparition des agrégés spatiales des personnes et cet agrégé spatial ont quelque chose en commun du point de vue culturel, du point de vue de valeur, une question de la distinction. La ethnicité comme quelque chose qui est toujours en phase de création. On travaille sur l'idée de la standardisation culturelle ou un concept qui a introduit les anthropologues, des consensus culturels. Qu'est-ce que c'est la culture? Tout simplement, tout ce que permet que des groupes apparemment différents trouvent quelque chose en commun et coopèrent. La culture, ce n'est pas une chose fixe et définie. C'est des choses qui changent. Alors, quelquefois, c'est la façon que nous nous habillons. Quelquefois, c'est la langue. Quelquefois, ce sont les valeurs qui nous représentent. C'est toujours matériel externe. Parce que c'est ce que je vois de vous qui me permet que alors, je n'ai risque d'être refusé par vous. La culture, c'est toujours en création. L'ethnogénèse, c'est la diversité culturelle, apparaît dans l'échelle macro comme conséquence d'une période de limitation continue à la coopération. Si vous ne coopérez, tandis qu'à l'origine vous étiez les mêmes, commencent à apparaître des phénomènes aléatoires de différence, et après quelques périodes, nous sommes différents. Alors, la langue des Antilles et la langue de l'Hexagone est différente, parce qu'il y a eu des processus différents d'évolution. À partir du moment qu'il y a des échanges, la France et l'Espagne étaient complètement différents, nous avons beaucoup de guerres. C'est une histoire très très très sanguinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Europe, il y a des idées communes, même si on roule les camions des espagnols à la frontière, il y a quelques coopérations. Et on est en train de créer une définition qui probablement dans le futur, il y aura une ethnicité européenne. Même si cette ethnicité a une identité matérielle très très différente, des gens qui ont des efforts très différents, mais ont quelques comportements, quelques valeurs qui sont communes. Alors, il y a une dynamique de la formation identitaire à l'échelle individuelle, c'est moi qui crée la culture individuelle. Et ces éléments qui seront utilisés pour les autres pour créer un sens de collectivité. Il y a deux dynamiques, la dynamique individuelle qui peut construire une dynamique de groupe. Ça, c'est une propriété émergente. L'ethnicité, c'est une propriété émergente des dynamiques à petite échelle. Alors, bien sûr, nous ne travaillons pas sur le manque de références. Des références très très importantes, c'est l'étude de la ségrégation spatiale de Schelling. Schelling a fait, avant l'apparition des ordinateurs, une simulation à partir de très très simple. Le sujet, c'est pourquoi, sur n'importe quelle fête, quand les invités arrivent, commencent à parler entre eux, et une heure après, vous trouvez des groupes très très similaires. Il travaillait aux États-Unis, bien sûr, la question des races était très très importante. Enfin, on commence à trouver des gens, des groupes. Ça, c'est un résultat ou non, c'est un résultat. Si on commence à étudier la distribution des voisinages, des quartiers dans beaucoup de sociétés, on commence à voir que même si on n'y a pas un filtre politique obligatoire, un apartheid dans une société, on commence à voir une concentration des gens d'une certaine classe sur différents quartiers. Pourquoi ? C'est un processus très très conscient, ou c'est une propriété émergente des interactions. Alors, Schelling a commencé à faire un système très très simple, tout simplement qu'il y a un échange d'informations, et on cherche la personne la plus compatible. Et je reste si la plupart des gens sont compatibles. Je me déplace si la plupart des gens ne sont pas compatibles. Et toujours, il y a un fresque, comme ça s'appelle en anglais, en français, un fresco, un umbral, un numéro déterminé à partir duquel. Un seuil. Oui, un seuil. Un seuil de signification. Et on peut expérimenter avec différents seuils. À partir de si on exige un beaucoup très très très compact, j'exige que 90% des gens du groupe soient exactement comme moi. Et sinon, je me déplace jusqu'à ce que je trouve un groupe qui soit 90%. Ou bien, nous sommes des gens qui tolèrent la différence, et j'accepte, si vraiment un peu plus de la moitié parce que c'est plus facile, alors j'accepte ce groupe. On peut toujours chercher s'il y a un équilibre ou non. Un deuxième travaux très très important, c'est le modèle de Axelrod de la dissémination culturelle. C'est très similaire au système de Schelling, mais beaucoup plus complexe. Alors ce n'est pas une question si moi je trouve les gens qui sont comme moi, ou non, si non, mais les agents ont une culture. Cette culture, c'est un vecteur. Alors c'est une série de propriétés avec des valeurs. On travaille après l'idée de vecteur culturel. Et on comprend comme des agents qui sont fixes sur le terrain commencent à échanger des informations et commencent à apparaître des collectivités, c'est-à-dire la même culture qui se diffuse à partir des canaux d'information entre voisins. Notre modèle a des différences. Ce sont des agents mobiles, ce sont des agents qui travaillent et les succès économiques, la survivance des agents dépend de la capacité de coopérer. Si tu ne coopères pas, c'est très probablement que tu mourras. Mais la coopération est indexée à un seuil de similarité. Et ce seuil de similarité, est défini par la nécessité de coopérer. S'il n'y a pas beaucoup de ressources et j'ai besoin de beaucoup de travail supplémentaire, il faut que je coopère avec quelqu'un. Alors mon seuil sera plus bas. S'il y a beaucoup de ressources, ou si ces ressources sont seulement pour moi, alors mon seuil de similarité sera très très resté. Alors dans ce système, on explore tout simplement les conséquences de l'échange de travaux. Dans les... Nous avons travaillé à partir de l'idée de Patagonie. En Patagonie, l'animal chassé, c'est un camélite, le guanaco. Le problème du guanaco, c'est très très difficile à le tuer. Si on lance la flèche, on peut arriver à aller 50 km jusqu'à la mort. Alors le chasseur doit les poursuivre pendant 50 km. Enfin, tu gagnes par la quantité de lions. La technique de chasse, c'est faire un groupe très grand de personnes pour encercler les troupeaux et utiliser les boleadoras. Par les boleadoras, on attrape l'animal et on les tue avec un couteau. C'est beaucoup plus efficace. Mais bien sûr, pour faire un groupe, on a besoin d'un groupe. Et ce sont des groupes familiales qui ont commencé à suivre le territoire. Alors, il faut trouver un groupe et que ce groupe soit assez similaire culturellement pour décider on coopère ou non coopère. Il y a une décision relativement rationnelle parce que la coopération est toujours plus positive que la possibilité de rester sans coopération. Il y a toujours des gens très très bizarres sur le monde, on dit qu'il y a 100% des gens qui refusent la coopération. Pourquoi ? C'est à eux qui ont décidé de le refuser. Alors, on commence à voir, ça c'est le système, je ne vous montre pas les codes. C'est au début, il faut créer une population initiale, il y a différents scénarios qu'on peut suivre. Et alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Ça veut dire que les différents agents commencent à faire des rapports. Ici, si vous avez le mouvement, on a accepté 35 unités, ça veut dire qu'ils ont une technologie de transport. C'est pour cela que les rapports sont vraiment très très très longs. Et on commence à dessiner les aires d'influence. Ça serait l'aire culturelle dans les rapports archéologiques. On voit dans le système qu'un pur chasseur-cueilleur avec un système sans barrière géographique, c'est presque impossible de créer des territoires définis. Il faut d'autres variables, et non seulement les variables économiques ou sociales les plus simples. Voilà les variables globales. Les variables globales, c'est les dimensions de la population initiale, c'est les ressources, la quantité de ressources qui existent sur place, c'est la technologie. Alors, ce sont des chasseurs cueilleurs, mais bien sûr, la technologie peut être plus performante, au moins performante. C'est la question de l'efficacité de la technologie. La diversité des agents. Les agents peuvent être très très différents ou tous sont les mêmes. Comme nous avons défini un agent, c'est une famille. Une famille peut avoir différents numéros de travailleurs. Travailleurs, c'est les adultes. Parce que les enfants, les vieillards, travaillent seulement la moitié. Alors on peut définir la quantité de travailleurs dans une famille. Une famille nucléaire ou non. Alors la technologie de marasanage, c'est très très simple. Il faut manger sur le moment tout ce qu'on a trouvé, ou bien on peut garder pour le deuxième cycle. La possibilité de mouvement. Il y a une technologie pour se déplacer, alors, parce qu'on travaille sur la Patagonie, la dynamique sociale a changé complètement dès qu'ils ont domestiqué le cheval. À partir du cheval, ils sont encore chasseurs-cueilleurs, mais à cheval, la dynamique est complètement différente, parce que le mouvement est complètement différent. Et cet internal change rate, c'est la possibilité d'introduire des modifications aléatoires. Un groupe isolé peut inventer, développer des choses complètement différentes aux autres. Alors, on peut dire que ce sont des groupes très très dynamiques, qui sont en train d'échanger beaucoup de choses très rapidement, ou non. Pour l'instant, c'est une variable stable, mais on veut que cette capacité de changement soit aussi un élément alimenté par l'état de... Alors, beaucoup de variables pour monitorer le système, combien de agents existent, combien d'agents ont été tués, la quantité de travailleurs, la quantité des gens dans les différents agents. Alors, différentes questions, les unités de coopération, s'ils sont très grands ou moins grandes, la quantité d'énergie, l'efficacité de ces agents, etc. Et les index sociaux. Nous avons utilisé des index qui existent sur la littérature sociologique, l'index de fractionnalisation, quel est le degré de fractionnalisation, il y a des groupes différents ou non. C'est un index que s'utilise toujours sur des études ethnolinguistiques, la profondité des différences. D'accord, il y a des groupes qui sont très très différents ou pas très différents. La généralisation de la fractionnalisation, c'est une dérivation de cette analyse. Et la rassemblage généralisée, c'est la polarisation qui existe. Alors, ce sont différents mots. Vraiment, cette différence arrive à empêcher la coopération ou non. Et finalement, la question de l'agrégation de la territorialité. Est-ce que la solution, les agents, sont territorialité agréés spatialement en raison de sa similarité culturelle? Voilà, les agents sont des familles. Les familles ont un âge, c'est un peu, très important pour déterminer la mort et la reproduction. Elles arrivent à un âge maximal à partir de laquelle elles meurent. Elles ont un seuil de survivance, quantité de personnes, bien sûr, ce sont la quantité de personnes qui travaillent. Et le seuil de survivance dépend de la quantité de personnes. Bien sûr, les plus de personnes qui travaillent, les plus la quantité d'énergie qui est besoin pour alimenter une famille. L'énergie, c'est qu'on a produit. On a produit pour profiter des ressources qu'il y a. Il y a une technologie qui est un paramètre qui explique l'efficacité de la technologie. Et il y a toujours la possibilité de garder. Alors, vous avez obtenu plus de ce que vous avez besoin. Vous avez la chance, la possibilité de garder si est-ce que la technologie de massage est performante. Les agents ont aussi une culture, qui est une matrice type ordi avec des numéros naturels, qui peut représenter beaucoup de choses. Aussi en liste de quels sont les agents connectés, mémoire, j'ai travaillé avec ces agents dans le cycle passé. Et il a aussi une connaissance de tous les agents, même s'ils appartiennent à son groupe ou non, qui sont dans son voisinage immédiat. Alors, l'identité culturelle, nous essayons de trouver un système qui soit comparable à ce que les archéologues croient que la culture et ce que les ethnologues parlent de culture. Alors, c'est tout simplement analyse statistique de tous les éléments matériels, matériaux utilisés par les groupes humains pour expresser ses appartenances à son groupe. On utilise toujours l'idée de la conscience, parce que c'est le seul élément externe qu'un groupe utilise. Alors, moi, je m'habille d'une façon. Moi, j'utilise un ordre des chevaux déterminé. Moi, j'ai une conduite, une langue déterminée. Ce sont des éléments externes qui sont utilisés pour les autres pour me classifier. Et pour cela, on utilise un système de valeurs qui existe. Il y a plusieurs théories, par exemple la théorie de Schwartz, sur les valeurs universelles. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de dimensions pour faire tous ces éléments. Tous les éléments qu'on fait, toujours parlent de 9, 10, 7 facteurs. Et c'est pour cela qu'on travaille sur une matrice de 10 pour 10. Alors, un vecteur qui peut avoir 10 valeurs différentes pour chaque composant de vecteur. Parce qu'on travaille sur une hypothèse utopique, notre paysage est irrégulier et du point de vue géographique absolument uniforme, il n'y a pas de barrière. C'est pour cela qu'on voulait comprendre si la diversité culturelle apparaît malgré qu'il n'y a pas de barrière géographique. C'est une question exclusivement de l'interaction sociale. Et les ressources sont distribuées d'une façon aléatoire. Il n'y a pas un point. Il y a des concentrations, mais ces concentrations sont aléatoires. Alors, il ne peut pas exister un contrôle politique d'une partie du territoire. Alors, vous pouvez imaginer une population de gens qui se déplacent plus ou moins aléatoirement à la recherche de ressources. et sont organisés en famille. Si les gens survivent, alors ça veut dire qu'il y a assez consensus culturel. Les agents qui ont un vecteur d'identité similaire peuvent travailler s'ils sont dans les radiums des coopérations. Chaque fois que les agents coopèrent, leur facteur culturel a une tendance à évoluer vers la mode statistique de tous les agents qui coopèrent. C'est-à-dire que la culture n'est pas fixe, mais la culture évolue à force de la coopération. Le plus souvent que vous coopérez avec les mêmes gens, le plus souvent que vous vous déplacez vers la mode statistique. Mais vous ne pouvez pas évoluer vers la mode statistique justement dans un seul cycle. Il faut une certaine répétition pour arriver à la mode statistique totale. Ça, c'est le cycle temporel. Alors, il faut survivre. Alors, c'est la tribu, survie. Si en dehors, si l'énergie est en dehors du niveau de survivance, donc alors, il faut se déplacer. S'il n'y a pas de ressources, avec la technologie actuelle, il faut que je cherche quelqu'un pour m'aider. Il faut identifier. Si l'identification est positive, en dehors de cet enseigne, alors je peux coopérer. Si je ne peux pas coopérer, alors les choses ne passent de soi, je commence à perdre des membres de mon groupe familial. Si cela se répète trois fois, fini. Alors, le cycle de l'identité. La culture est inhéritée à la naissance. Et au début, on utilise l'identité inhéritée à la naissance. Si je trouve quelqu'un qui n'est pas exactement comme moi, mais assez pareil, alors je peux coopérer. S'il y a coopération, le consensus a une tendance statistique à s'incrémenter. Par exemple, si le consensus culturel est en dehors du seuil, alors j'évolue par mes propres chances et j'ai mes propres chances d'évoluer aléatoirement. Tous les 10 cycles, s'il y a un nombre d'agents qui excède la quantité d'unité de travail, alors devient un nouvel agent. Il y a une naissance avec une inhéritance de culture. Les actions que tous les agents puissent faire, la survivance, actualiser les ressources sur place, ça veut dire que si je mange de les ressources, les ressources disparaissent. Jusqu'au suivant moment de la productivité naturelle. Il faut actualiser la distance culturelle. Il faut chasser et recueillir des choses. Il faut identifier des groupes. Il faut actualiser l'identité. Il faut actualiser l'efficacité de la technologie. Parce que si je coopère avec des autres, il y a des autres ont une technologie plus performante que la mienne. Pourquoi pas je peux utiliser cette technologie? Il faut la reproduction. Et surtout, il faut décider si je reste sur place ou je me déplace sur une autre place. Voilà le système, le cycle de fonctionnement du système. Et on commence à voir les maths qu'il y a derrière. La survivance, c'est tout simplement un calcul de la différence de l'énergie qu'il y a par rapport à la quantité de membres que le groupe familial a. Il y a un code spécifique, la survivance et la production d'un certain surplus qui s'utilise en début de cycle pour décider s'il faut aller chercher de la nourriture ou non. Il y a un seuil que est calculé à partir de 2000 calories par jour et sur le nombre des jours qu'un cycle signifie. Un cycle, c'est une saison climatique. Il y a dans le système seulement deux cycles par an. La saison chaude et la saison sec, la saison humide. Alors, c'est les unités de travail qui utilisent la technologie. Le facteur technologique, c'est la PTC, la L, c'est la quantité de travail, et le H, c'est la quantité de ressources. On arrivera au seuil de survivance s'il y a assez de ressources multipliées par la quantité de travailleurs et avec l'influence indirecte de la technologie. Si la quantité de travailleurs et la quantité de ressources et l'efficacité de la technologie n'est pas suffisante pour survivre, il faut que je cherche quelqu'un pour augmenter la quantité de travailleurs. Comme vous voyez, la quantité de travailleurs est multipliant. Si j'incrémente ce paramètre, le résultat, ça peut arriver à supérer le seuil. Alors, je commence à évaluer la culture. Ici un vecteur, ici un vecteur. Il faut voir si c'était ce vecteur est le même que ce vecteur. On utilise des distances Framing ou des distances normalisées euclidiennes pour calculer la similarité. Il y a une distance, cette distance est comparée à un seuil. Cette seuil, c'est le seuil de similitude. Cette seuil n'est pas libre. Cette seuil varie en fonction des nécessités du groupe. Pour l'instant, on n'a pas encore utilisé pour représenter l'égoïsme. La plupart des agents sont des altruistes. Ils sont des altruistes à longue durée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai coopère. Pourquoi ? Je sais parfaitement que si je te trouve demain, il sera nécessaire que je travaille avec toi. On a implémenté un petit système de décision rationnelle qui utilise une théorie des jeux, mais la décision c'est presque toujours positive. Parce que les avantages de la coopération rationnelle sont tellement grands par les conditions de la chasse que c'en est évident. Vous pouvez changer, si vous voulez, étudier un autre scénario historique où vraiment les avantages de la coopération, de la chasse collective, ne sont pas si clairs. Si la chasse au lapin, qui est individuelle, est plus performante que la chasse au cerveau, pourquoi tout le problème d'arrivée de la coopération, qu'il faut beaucoup de normes sociales pour échanger des choses, tandis que la chasse au lapin, c'est vraiment très très performant. Ça dépendra des ressources qui existent sur place. Eh bien, voilà, si le résultat est en dehors du seuil, on peut commencer à travailler. Et ici, on a un sommatorium de G pour modifier la quantité de travail. Avec cela, les successus de la survivance est beaucoup supérieur. Mais il faut actualiser la culture. Et cette culture, si dans ce cycle, nous avons coopéré, alors le système calcule la mode statistique, et si mon vecteur est très très différent de la mode statistique, je modifie dans son, je crois qu'on a utilisé un 5%. Un 5% en tendance à aller vers la mode statistique. Toujours, la majorité des agents font cela. Il y a toujours une minorité qui refuse. Voilà les codes. Et c'est de l'évolution. Vous voyez que cet agent ici a un système culturel différent de cet agent. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas une coopération. Tandis que des agents qui ont les mêmes codes, on est en train de faire des coopérations. Question de la mortalité, des premiers résultats. Qu'est-ce que ça veut dire les résultats? Les résultats d'une simulation, ce n'est pas « Ah, le passé c'était comme ça ». C'est un laboratoire virtuel pour proposer des hypothèses. Qu'est-ce qui se passerait si, au début, nous avons 100 personnes, 300 personnes, 5000 personnes? Quel est le seuil des populations à partir desquelles un groupe humain n'arrive jamais à la survivance? Quels sont les avantages de la coopération? Les avantages de la coopération dépendront de la survivance. Et la survivance dépend de deux éléments très importants, de l'efficacité de la technologie et de la quantité de ressources. Alors, c'est pour ici apparaît une hypothèse très très intéressante. Pourquoi il n'y a eu, dans toute la préhistoire paléolithique, une évolution rapide de la technologie? Tandis qu'à partir du néolithique, la technologie a une tendance à évoluer très rapidement. parce que c'était plus important les avantages de la coopération par la reproduction sociale que obtenir une technologie très très efficace que même donne des bénéfices de coopération. Il existait un filtre, une constante pour que l'évolution technologique ne soit pas très très rapide. Je préfère une technologie très performante et alors insister sur la coopération. Et ça, c'est un résultat de simulation, pas quelque chose que nous croyons auparavant. La question des dimensions culturelles. Pour l'instant, nous avons 10 dimensions qui sont pondérées. Il y a des dimensions plus importantes que les autres. Pourquoi n'importe quel groupe on dit alors la langue, c'est l'élément le plus important pour échanger d'informations. Mais l'événement, l'événement est important aussi. Mais la forme des objets peut être très, très important. Tandis que la couleur de la peau, des cheveux, n'est aucune importance. Les problèmes de la tolérance, c'est de cette seuil. Cette seuil, c'est très important. L'égoïsme, l'altruisme, quand apparaissent, c'est en rapport avec la nécessité locale ou à une tendance à évoluer avec ses propres normes. Et bien sûr, la mobilité. Quels sont les éléments qui limitent ou multiplient la possibilité de la mobilité? L'importance de l'évolution technologique, surtout la domestication des moyens de transport. Alors, voilà quelques petits résultats, quelques observations de résultats. Ce ne sont pas très, très intéressants. Parce que les choses les plus importantes du système, c'est l'analyse de la sensitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a créé ainsi une simulation. Nous avons utilisé toutes nos connaissances des chasseurs-cueilleurs en Patagonie, mais aussi des autres chasseurs-cueilleurs qui ont été étudiés en l'ethnologie pour créer le système. Mais le système est universel, parce que c'est un système abstrait. Alors, quels sont les marques de variation. Qu'est-ce que c'est possible dans un tel modèle? C'est tout ça. Ça veut dire qu'il faut explorer ce qu'en mathématiques on appelle l'espace paramétrique. Toutes les différentes possibilités. On a créé le modèle, on l'a exécuté pour différentes valeurs de paramètres. Le problème, c'est que nous avons 11 paramètres aligné au début et 5 paramètres à la sortie et presque une vingtaine de paramètres de monitorage. Si on commence à faire évoluer un des paramètres initiaux qui est la population et on fait différentes valeurs des 11 paramètres initiaux, on a plus de 11 000 permutations. Alors c'est beaucoup, beaucoup de possibilités différentes. Comme il y a beaucoup de stochasticité dans le modèle, alors nous avons répété toutes les combinaisons possibles. Et toutes les combinaisons de tous les paramètres ont été répétées 30 fois. Pour 350 ans. Ça veut dire 700 cycles. Alors, du point de vue statistique, nous avons créé un réseau de computer très très simple. Et voilà la question. Presque, on a vu dans certaines simulations avec grande population, seulement une simulation avec 400 agents au début exigeait 55 heures chaque répétition multipliée par 30. 12 heures pour chaque répétition, multiplié par 30. Les résultats ordonnés, nous avons différents fichiers. Alors, les fichiers sont toujours les résultats de chaque agent à chaque cycle. Comme c'est une évolution temporaire, nous avons dit, au cycle 31, que c'est l'année 16, tous les agents avaient cette valeur. Dans l'année 243, tous les agents avaient cette question. Le problème, c'est que nous avons obtenu 1 400 000 fichiers. Une fois que nous avons intégré tous ces fichiers, nous avons plus d'un billion, en français, pas en anglais, registres dans leur base de données. Alors, nous avons fait beaucoup de travail informatique pour créer cette base de données. C'est-à-dire, nous voulons savoir, pour une sélection de cycles, ordonnés temporellement, quelles étaient les variables globales au début, les numéros de gens par tic, les numéros de gens qui coopéraient, les numéros de gens qui ne coopéraient, et la valeur des index sociaux à la fin de chaque cycle. Alors, beaucoup de travail pour faire une base de données. Et voilà la base de données finale. Que c'est comme nous avons fait une sélection de cycles à seulement 35 000 registres pour 4 scénarios. Un scénario avec très peu de population au début, 10 jeunes tout simplement. Deux scénarios au milieu qui avaient 100 et 20 gens au début, comme il y a une évolution. Si on commence avec 100, on peut finir avec 4000. Et quelques scénarios avec une population très très grande au début. C'est maintenant qu'on commence l'analyse statistique. D'abord, les sources de la stochasticité. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de probabilité. La majorité des agents agit d'une façon, mais pas la plupart. Il y a un numéro aléatoire qui incite à la différence des agents. Il faut comprendre quelles sont les sources de stochasticité dans la simulation et en rapport avec n'importe quelle communauté humaine. Il y a toujours, pas tout le monde agit de la même façon. Alors, les effets de la population. Théoriquement, c'est que comme les plus grands de la population au début, ce serait plus facile d'établir la coopération. Il y a plus de monde dans les voisinages, alors c'est plus simple. Comme l'état initial, c'est toujours tous les agents ont la même culture, alors une population très très grande au début a beaucoup de chances de survivre. Mais s'il y a beaucoup de population, alors c'est très très difficile qu'il y ait des ressources pour tout le monde. Il faut trouver un équilibre dans tous ces deux éléments. Aussi, la même question avec l'existence de ressources. Si nous sommes dans les scénarios d'un monde très très riche, alors on n'a pas besoin de coopération. Mais s'il n'a pas besoin de coopération, la technologie n'évolue pas. S'il arrive à une catastrophe naturelle, aléatoire, les groupes n'évoluera pas. Il trouvera des points noirs dans cette évolution. Problème de seuil de similarité qu'il faut chercher. Combien? Pourquoi change? Pourquoi il y a des scénarios où les agents sont plus tolérants à la différence et des autres scénarios ou des autres moments de l'évolution temporaire où il y a des agents qui exigent beaucoup? Je coopérerai seulement s'il y a presque identité. Les avantages de la coopération. Alors, les avantages de la coopération, ça veut dire, est-ce qu'on arrive à un moment qu'il n'y a pas de modification de l'élément culturel, d'une stabilisation de l'évolution culturelle, parce que la coopération se répète toujours? Le grand problème de la simulation, la grande discussion en simulation, c'est comment étudier pour qu'elle soit vraie ou non. Pour moi, c'est une fausse question. Parce qu'un modèle jamais sera vrai. C'est un modèle. Un modèle, c'est l'équivalent moderne de la déduction. Un théorème jamais sera vrai. Un théorème sera bien produit et si elle résulte dans un système formel. Alors, toutes les conséquences d'un modèle simulé, c'est l'équivalent d'un théorème. C'est un théorème cohérent et valable dans le système formel qui est créé. Mais la vérité d'un théorème dépend de la véracité des actions initiales. Si les actions initiales sont fausses et les règles d'opération sont inventée ou subjective, un théorème sera valide formellement, mais aucun rapport avec la réalité. C'est exactement la même chose en simulation. Je peux prouver que Hitler avait raison, parce que je peux créer un système de simulation à partir de Mein Kampf. Tout simplement, c'est que la logique interne du système est très précise. Alors, je peux proportionner des prédictions dans un modèle que je sais qu'il est faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Cette possibilité, c'est ce qu'on appelle calibration. Une calibration, c'est justifier, c'est changer l'état initial du système à partir d'un scénario pour lequel vous avez des données empiriques. Ici, nous avons des données empiriques de la Patagonie à un moment déterminé, surtout au début des colonisateurs, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Ce que les conquistadores commencent à arriver là-bas, surtout les chasseurs de baleines, et commencent à faire des petites descriptions de ces populations. Ils ne sont pas encore modifiés. Ils sont arrivés à domestiquer les chevaux à partir des chevaux qui sont échappés des grands centres coloniaux. Mais il n'y a pas encore un commerce de chevaux domestiqués. Alors, on connaît des valeurs dans notre variable initiale du système à partir des variables que nous connaissons. Ça, c'est les start-up, le début du système. On lance le système, comme le système en cycle temporaire qui est construit plus ou moins en rapport avec un cycle historique. Tous les deux cycles, c'est une année complète. Qu'est-ce qui se passe 100 ans après? Parce que nous connaissons, dans le monde réel, l'état du système, il faut faire une comparaison. Est-ce que la comparaison est la même? On a utilisé cette logique pour essayer de prouver un modèle. On va prouver un modèle. On veut dire qu'un modèle nous donne des prédictions qui s'avèrent être conformes les données historiques au début et un siècle, trois siècles après. Alors, s'il y a une certaine comparaison entre les prédictions et les données empiriques, ça veut dire que le modèle est explicatif. Si c'est vrai ou non, ça dépendra de créer un autre modèle qui a des autres résultats qu'on peut mesurer, qui sont plus en consonance avec les données empiriques que nous avons. Parce que, bien sûr, les résultats du modèle ne sont pas jamais exactement comme la réalité que nous connaissons. Il y a toujours un petit décalage, une petite différence. Alors, c'est toujours la possibilité de faire un nouveau modèle, peut-être plus simple, avec moins de variables, qui arrive à une prédiction plus performante que l'autre modèle. Ce n'est jamais une question de la validité du modèle, c'est de choisir les modèles les plus explicatifs et les plus simples. C'est le couteau de Kant, toujours. Alors, voilà quelques résultats de notre système. Il y a beaucoup de limitations dans notre système. Alors, la dynamique de la population est assez simple. On va utiliser un moteur démographique beaucoup plus raisonnable. C'est tous les 10 ans, si le groupe a une certaine dimension, alors, avec une probabilité de 50%, il aura un enfant. Oui, mais on voudrait utiliser beaucoup de filtres sociaux, politiques, exogamie par exemple, endogamie. Les unités temporaires, on travaille avec une échelle très très grosse. Ce sont des saisons. On veut travailler avec un filtre annuaire, par exemple, parce que c'est plus facile pour les calculs des nécessités énergétiques. Il y en a plus pour la recherche des ressources et comment les ressources disparaissent à fur et à mesure que les agents commencent à consommer. Le carbon capacity, c'est très très compliqué pour faire à une échelle saisonnelle. Pourquoi pas? Il faudrait le faire avec une échelle journalière. Mais alors, on a besoin de plus de machines. On a commencé à travailler avec le Centre de Supercomputation de Barcelone. Parce que vous avez vu que vraiment, si on a une population de plus de 400 agents, tout simplement faire une résolution, une seule exécution des 750 cycles, sont 55 heures. plus de presque 3 jours. Sinon, pour une seule exécution, si on commence à augmenter les variables et les choses, l'exécution, ce sera des jours et des jours. Aucun problème. Le problème, c'est sur l'estomac, la quantité de café qu'on arrive à prendre. Ce que la machine pense, oui, il est encore en travail. C'est bon, prendre un autre café. 39 cafés après, c'est dangereux pour la santé. Il y a beaucoup de discussions sur les dimensions culturelles. On utilise la théorie d'Axel Roth, c'est la théorie évoluée de Murdoch et l'analyse cross-culturelle qui ont abordé ce système. Oui, c'est bien. On mesure une chose, on ne représente pas la chose. Il faut dire que nous pouvons mesurer vectoriellement la culture, tandis que le vecteur ne représente pas la culture. Il faut toujours voir que la mesure de la culture n'est pas la culture. Ça, c'est une façon à mesurer. Ce n'est pas une définition de la culture. On a besoin d'un peu plus de travail à ces propos. Mais c'est très centré dans cette différence entre la mesure de la culture et la définition de la culture. Parce que c'est exactement ce que nous avons en archéologie. Nous pouvons, en archéologie, mesurer la différence entre deux populations, tandis que nous ne savons pas pourquoi ces populations sont différentes. S'ils sont différents, et cette différence a quelques rapports avec la coopération, et la coopération a un rapport avec la survivance du groupe, alors nous avons toutes les données pour qu'il commence à apparaître un phénomène émergent qu'on appelle ethnicité. Si la coopération est limitée et est restreinte dans seulement un certain groupe et se répète, à la fin on obtient des groupes très très fermés. Bien sûr, ce que notre simulation prouve, c'est qu'on a besoin d'autres éléments en plus de les variables strictement de coopération. On a besoin de variables politiques, ce qu'on appelle l'algorithme de suivre le leader. Pourquoi? Parce que les groupes de coopération sont très très flous. Ils durent seulement 3 ans. Dans 3 ans, dans notre simulation, se casse le groupe et on crée un autre groupe. Il n'y a pas une constance. Cette constance est seulement le résultat des restrictions de la mobilité, ou le monde géographique, ou bien de la possibilité de suivre toujours l'agent qui a le plus succès. Si elle a le plus succès, a une sorte de valorisation sociale. Alors, je suis le plus populaire. Mais c'est plus populaire parce qu'elle est plus performante. Pourquoi plus performante? Parce qu'elle est plus populaire. Et arrive à ramasser plus de coopération. Avec ce petit algorithme social, on commence à voir, d'une part, l'origine de la inégalité sociale, mais aussi l'apparition des groupes plus stables. C'est un résultat très intéressant, que la stabilité culturelle, ou la manque de diversité, est un résultat de la formation de l'organisation politique. Pour l'instant, le système est tout simplement social, économique, pas encore politique. Il n'y a pas une prise de décision politique qui arrive à empocher les autres choses. Ce sont tout simplement des décisions rationnelles sur le domaine strictement sociologique. Si on introduit la variable politique, toute la dynamique change. C'est très, très important pour comprendre la dynamique sociale. Et bien sûr, le problème avec la rationalité des agents. Pour qu'on travaille à cette échelle de représentation, alors on oublie des problèmes de rationalité, on introduit la probabilité. Mais on utilise des systèmes gaussiens, que ça marche, mais pas toujours. Parce que beaucoup de décisions sociales sont des lois exponentielles et pas gaussiennes. Alors, il faut réfléchir beaucoup à la rationalité des agents. Avec tout cela, je vous expliquer qu'est-ce que c'est une simulation et comment faire une simulation. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation et d'applications. Pour l'instant, la plupart sont des petits jeux, des petites expérimentations. Il y a seulement 2-3 grandes expérimentations qu'on essaie d'être vraiment à échelle réelle. Je Tu viens d'écrire un chapitre sur l'état de la question de la simulation en archéologie et en histoire. Et si vous vous intéressez, je pourrais vous laisser les documents qui seront publiés au long de cette année. Le plus important, c'est penser qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez des questions de recherche, un problème que vous voulez résoudre, bien sûr, un état de la question. Et alors, vous pouvez commencer à construire les modèles. Une fois que vous connaissez le modèle, il faut le dessiner. Ici, c'est l'archéologue historien. Ici, vous avez besoin de ce qu'on appelle le modeleur. Quelqu'un qui vous aide dans la formalisation du concept. Quelles sont les variables? Quelles sont les actions? Il faut voir comment d'autres personnes ont modélé les actions que vous êtes intéressés. Si vous êtes intéressé dans la dynamique des chasseurs cueilleurs, il y a beaucoup de monde qui a modélé la chasse. Si vous êtes intéressé dans le commerce de l'époque romaine, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec les mécanismes de commerce avec un marché plat très évolué. Avec les dessins et la construction, vous avez besoin de programmeurs. Aujourd'hui, parce que la technologie est relativement nouvelle, vous pouvez trouver toujours des étudiants en informatique, des professeurs en informatique qui sont très très intéressés pour voir, moi, ces modèles sont très intéressants pour mon travail, fin de carrière, pour la maîtrise, pour n'importe quelle chose. Il y a beaucoup de monde qui travaille. Il y a un logiciel libre qui est relativement facile, il s'appelle NetLogo, ce que nous enseignons aux étudiants. Nous faisons beaucoup de workshops pour enseigner NetLogo. Mais c'est un langage, il faut avoir une certaine pratique. C'est très facile, si vous vous souvenez du BASIC, c'est la même chose. C'est toujours attribut if tal, then tal, else tal. C'est relativement facile, mais il y a une philosophie, surtout des pseudocodes, pour arriver à transformer le modèle de signes, le pseudocode, en code NetLogo. L'autre problème de NetLogo, c'est que si bien il y a une façon d'implémentation parallèle, avec une librairie qui s'appelle Behavioral Space, c'est très très limité. Ça veut dire que vous êtes très limité par les pouvoirs du computer. Avec n'importe quel ordinateur, même avec ça, ça marche bien. Si vous avez une population de 500 agents, 1000 agents, et l'interaction n'est pas très complexe. Mais à partir d'un certain moment, vous avez besoin d'implémentation parallèle. Et c'est ici où vraiment vous trouvez toujours des chercheurs en intelligence artificielle, des choses en informatique, qui sont à la recherche des choses pour implémenter le calcul en parallèle. Et c'est une chose vraiment suggérante comme l'archéologie. Bien sûr, j'arrive toujours. Alors, le problème, c'est que vous vous expliquez dans le langage quels informaticiens ont besoin. À partir d'ici, c'est exécuter la simulation, sur les résultats de la simulation, comprendre l'espace paramétré, commencer à faire cette analyse de la sensibilité. Une fois que vous connaissez les pouvoirs explicatifs du modèle. Alors, est-ce que ces données historiques ont une explication avec ces modèles? On commence la calibration. La calibration, tout simplement, avoir les données pour les start-up, pour les débuts. On lance la simulation avec les débuts. On lance plusieurs exécutions pour voir si avec les mêmes débuts, on obtient des résultats différents. Ça dépend de la stochasticité du modèle, qui théoriquement est en rapport avec la stochasticité de n'importe quel effort humain. Et on arrive à la vérification. Est-ce que vous avez assez de données historiques pour valider, pour vérifier que la dynamique du modèle est la même que la dynamique au monde réel? Il faut voir des années après le monde réel, des années après sur le système. À partir de cette analyse, voir qu'est-ce qu'il faut modifier et aller une autre fois à la conceptualisation si votre modèle a besoin de modification. En archéologie, en général, il y a des grands champs d'application de systèmes basés en agents de simulation. d'abord pour tester la cohérence intendée théorie sociale, ou bien pour expliquer des données historiques en absence des connaissances de la dynamique humaine de cette période-là. Alors, on va voir très très rapidement quelques éléments intéressants dans cette application. La chose la plus facile, c'est simuler la conduite animale. Il y a des activités jusqu'à à partir du modèle pré-pilote Voltaire au début du XXe siècle, on connaît très très bien de comment simuler l'action animale. Alors, la transition de l'animalité à l'humanité, ça veut dire la théorie de l'évolution. Aussi, on connaît relativement bien les mécanismes évolutifs, quelque chose sont très narratifs aujourd'hui, mais on pourrait faire beaucoup d'applications pour comprendre desde la modification du système phénotypique de l'espèce humaine. Pourquoi l'espèce humaine est apparue? Dans ce domaine, il y a beaucoup de publications, si vous êtes intéressé sur ce sujet, un des sujets les plus travaillés aujourd'hui. En tout cas, la théorie de l'évolution affecte seulement la morphologie, c'est-à-dire les mêmes phénotypiques, mais aussi les origines de l'intelligence et des systèmes complexes de prise de décision. Il y a pas mal de travail sur l'origine de l'intelligence comme un des éléments qui caractérise la différence entre humanité et animalité. Qu'est-ce que ça veut dire intelligence? Et l'intelligence est toujours en rapport avec le prise de décision. Que cette prise de décision soit plus ou moins rationnelle. Et on compare la prise de décision éthologique constitutive des animaux avec la prise de décision des humains ou bien des robots. Parce qu'il y a un sous-domaine de la recherche qui est l'évolution des robots. Si dans un futur assez prochain, l'humanité sera substituée pour la roboticité, les robots actuels doivent évoluer. Alors, quelles sont les règles de l'évolution, la théorie de la sélection naturelle des robots? Et on a fait beaucoup de recherches à ce propos. La théorie de l'évolution, aujourd'hui, n'est pas Darwin. La théorie de l'évolution, aujourd'hui, c'est beaucoup de calculs, des modifications, et les modifications phénotypiques de la conduite, même de l'intelligence, sont des propriétés émergentes d'un système en changement perpétuel. Beaucoup de choses sur l'évolution humaine se recherchent maintenant à Oslo, c'était très populaire, l'expansion de l'homo erectus, c'est l'hypothèse de l'out of Africa, c'est expliquer pourquoi c'est la cause climatique, c'est une question strictement aléatoire, c'est une espèce animale si performante que commence à se expandir pour n'importe où par la croissance démographique, les succès démographiques. Quel est le mécanisme de l'expansion à partir de croissance démographique, de type de mouvement des hominines, parce que le déplacement des hominines n'est le même déplacement des hominidés, n'est pas la même façon de nous déplacer dans la société actuelle, dans les sociétés pré-industrielles, etc. Ils ont des modèles très très complexes pour étudier les déplacements des origines de la communauté. Avec l'extinction de Néandertal, c'est aussi un des sujets très importants. Si on comprend la mécanique, l'éthologie de Néandertal, la prise de décision de Néandertal, pourquoi les Néandertals ne sont pas déplacés s'il y avait un problème climatique avec la glaciation? Quel problème entre les Néandertals et les populations en expansion des Cro-Magnons? Tous ces problèmes sont sujets pour l'analyse. Bien sûr, sur la préhistoire, la simulation de la chasse, chasseur-cueilleur, c'était populaire en archéologie dès l'année 70, avec des systèmes linéaires, mais aujourd'hui il y a des systèmes linéaires, des systèmes complexes, et des systèmes basés sur l'âge. Alors, la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire la chasse collective, la chasse individuelle, beaucoup d'éléments. Toujours, beaucoup de ces modèles ont une trace d'étudier la chasse animale dans le sens de la déprédation animale. Toute la théorie de la conduite animale, qui sont la recherche d'une presse, d'un animal, sont toujours de l'optimisation de la dépredation, sont à la base de beaucoup de ces simulations. Comme je disais avant, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de théories. Et chaque théorie peut permettre l'évolution d'un modèle. Et vous trouverez différentes simulations qui sont liées à la conception théorique de la dynamique humaine. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus bien, plus évolués, plus performants que la simple pression écologique des ressources pour comprendre l'évolution humaine. Alors, n'importe quel problème, nous pouvons utiliser tous les systèmes d'intelligence, de prise de décision, de la coopération, même l'apparition des croyances, de l'apprentissage, pour faire des éléments, des chasseurs complexes. Toute la question écologique est un des éléments intéressants, mais notre simulation est handicapée seulement pour qu'elle est fixée par la question écologique. Simuler une chasse de collection ne veut pas dire seulement étudier l'adaptation des humains en milieu à partir de la chasse, sinon l'évolution sociale, politique des sociétés qu'on appelle de petite échelle, tout simplement, parce que la technologie n'est pas très développée, et pour que l'échelle de ces sociétés est aussi relativement réduite. On appelle société pas complexe, pas parce que les rapports ne soient pas complexes, c'est des sociétés pas très compliquées, parce que les dimensions de la société n'est pas très grandes, et la complication des interactions n'est pas aussi très grande. À partir de cela, on peut reformuler parfaitement Malthus. Il y a pas mal de travail qui commence à replanter, à remodeler l'ancienne théorie de Malthus avec des nouvelles mathématiques et surtout avec de nouvelles capacités de décision. Qu'est-ce qui se passe avec une dynamique malthusienne quand les gens sont conscients de Malthus? Malthus, ça marche très bien quand on simule des animaux. Parce que des animaux ne sont pas conscients que si on travaille trop, on chasse de trop, arrive un moment qui ira assez pour la survivance. Mais si les gens sont conscients, quels sont les résultats? Et c'est beaucoup de recherches à ce propos. Beaucoup de résultats sur la démographie préhistorique. Pourquoi considérer que les groupes humains ont évolué d'une façon assez simple? La démographie peut être très très, très complexe, considérant les questions de la fécondité, par exemple, les questions des croyances, des valeurs, des moralités sur la fécondité, sur la possibilité de la violence comme cause de la croissance d'un groupe. Tous les éléments que vous pouvez considérer, vous pouvez introduire dans la reproduction des groupes humains. Et la motivation psychologique. Si vous avez des psychologues dans les groupes, des spécialités en sciences cognitives, alors vous pouvez faire l'agent le plus complexe que vous voulez. Il faut introduire plus de codes, il faut travailler avec les informaticiens qui disent, bon, l'idée est assez complexe, mais on peut trouver un mécanisme informatique avec un système de mémoire, avec des listes et en règle. C'est incroyable. Quelquefois, j'ai une description, mon modèle est très complexe, arrive l'ingénieur en informatique, bon oui, ça semble très, très complexe, mais du point de vue des mécaniques, très simple. La propriété émergente est très complexe, mais la mécanique n'est pas si complexe. Et bon, les agents intelligents socialement, c'est un des avancements les plus importants qui sont faits à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas faire les limites de la première simulation des stomachs bipèdes, mais on peut simuler des stomachs politiques, d'agents qui ont des motivations individuelles, etc., etc. Un des recherches les plus importants, c'est de Robert Reynolds. Robert Reynolds est un informaticien qui a travaillé toujours avec des archéologues. Et lui appelle ses algorithmes culturels. lié à travailler avec Flannery et tous les archéologues américains qui ont travaillé l'origine de l'État, par exemple, dans les modèles de Oaxaca, le petit de Oaxaca, et l'origine de Cenotecas. Un des grands modèles qui s'est fait, c'était le premier grand modèle de simulation archéologique de la fin des années 90, c'est le Jim Doran, le modèle EOS Model, qui essayait de représenter des théories des chasseurs-fouilleurs, des Peter Mellers, pour l'origine des alliances à la fin du paléolithique supérieur ou du début du paléolithique supérieur. Comment est-ce que les groupes humains commencent à évoluer, à faire des groupes d'alliances politiques pour pouvoir subsister dans les maximums climatiques, dans les maximums glaciaux. Et comme résultat de cette façon d'alliance, apparaît le symbolisme et l'art, tout simplement comme une évolution de la nécessité de l'expression matérielle d'une emphasis sur la symbolisation. Beaucoup de travail récent sur les origines de la différenciation sociale et de la complexité, avec beaucoup de théories. Bien sûr, toujours on parle de Marx, on parle toujours du fonctionnalisme, mais aujourd'hui, les théories les plus satisfaisantes du point de vue de l'origine de la différenciation sociale, on le fait avec des outils informatiques de simulation. Parce que c'est évident. Alors, si la différenciation sociale, si l'apparition de pouvoir, de hiérarchisation est un résultat émergent, alors il faut créer une population avec une certaine dynamique, des agents qui sont égalitaires, et on voit si dans cette population émerge une façon de hiérarchisation. Pourquoi ? Et quelquefois, on trouve que des mécanismes très très simples de coopération et de refus de la coopération, à la fin, ont des résultats incroyables. Ça, c'est la grande caractéristique de la propriété émergente. Une petite goutte, et à la fin, on aura un litre d'eau. Mais chaque goutte est très très simple. Des petites décisions sur la courte durée, dues à des conséquences extrêmement importantes, des vraies transitions des systèmes sur la longue durée. Bien sûr, un sujet populaire, c'est l'origine de l'agriculture. Parce qu'on peut introduire toute la dynamique biologique des plantes des animaux. Alors, on peut faire qu'est-ce qui se passe avec les plantes? Quelles sont les reproductions naturelles des plantes? S'il y a un agent plante et un agent humain qui a une influence sur cet agent, comment est-ce que la théorie de l'évolution ou de la coévolution marche? Est-ce qu'à partir d'une plante sauvage avec une caractéristique biologique déterminée, certaines activités humaines sur la courte durée, apparemment non conscientes, arrivent à la fin à transformer cette plante dans une plante avec toutes les caractéristiques domestiques et surtout avec une conduite humaine qui est liée à la transformation biologique de la plante. Et qui la plante, les animaux, que c'est encore plus simple. Parce que les plantes n'ont pas éthologie, tandis que les animaux ont une éthologie. Alors, on pourrait dire, bon, si vous voulez des sociétés plus complexes, ça serait plus difficile. Au contraire, parce que la simulation sociale a commencé pour simuler les sociétés contemporaines, les marchés boursiers contemporains qui sont extrêmement complexes. Un des grands créateurs de la simulation, l'année dernière, à Barcelone, il suggérait qu'il a commencé à faire des simulations des marchés, dynamiques très simples, mais avec plusieurs millions d'agents. Alors il n'y a aucun problème du point de vue computationnel pour introduire n'importe quelle complexité. C'est une question que vous comprenez les mécanismes. Le problème en histoire, en sociologie, c'est qu'on parle des mécanismes avec des mots. Alors les mécanismes, que ce soit les pouvoirs. Pouvoir, Weber, Foucault, Marx ou Reim, c'est impossible de savoir. Parce que c'est un mécanisme qui existe comme un ensemble de mots et une étiquette. Ici, si vous avez un mécanisme, il faut l'implémenter. Un des grands systèmes en évolution constante, ici seulement la première phase, mais bien que Tim Kohler est à la retraite maintenant, il travaille encore sur le système. C'est un système à échelle vraiment historique. C'est une petite région dans le New Mexico, la population sélésinienne en Alsacie. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'informations paléoambientales, ethnologiques et archéologiques. Ils ont une quantité incroyable d'analyses de prospection archéologique, des excavations d'extension. Ils connaissent absolument presque tout. Et en plus, si bien la dynamique sociale des Anasazis n'est pas connue, est connue des Indiens Pueblo. Les Indiens Pueblo ont été décrits en époque ethnologique et à partir des registres ethno-archéologiques Pueblo, est relativement facile de faire des inférences pour la population antérieure que c'était les Anasazis. Alors, c'est un système qui utilise absolument tout. Surtout, ce sont des gens qui habitent une région, et la région est reliable, est verosimile, parce qu'on a beaucoup d'informations. On a les index pluviométriques à partir d'une machine climatique qui est capable de faire des prédictions du climat sur le passé à partir de la connaissance de la dynamique climatique des derniers 300 ans. On a beaucoup d'informations cartographiques de très haute résolution. On connaît tous les niveaux phréatiques, on connaît absolument tous les éléments. Avec la plantation, il connaît tous les éléments de rendement par hectare de n'importe quelle semence. Pour les animaux, il connaît toute la caractéristique de la biomasse, tous les animaux de la chasse, de la domestication partielle. Il n'a pas une vraie domestication ici. Et la question des personnes sont représentées par famille. Les familles qui on trouve à partir des systèmes d'exogamie, d'échanges et de collaboration, des systèmes d'agrégation spatiale. L'idée, c'est à partir d'une description du système égale à l'archéologique à un moment donné, laisser fonctionner le système et comparer les états successifs du système avec l'état de la connaissance archéologique dans différentes époques. Et on arrive vraiment à la même conclusion. À cette époque, en 1200, il y a une despopulation totale. C'est une des grandes crises de population connues. Alors, c'est la fin des Mayas, c'est la fin des Anasazis. C'est la disparition de ces populations. Aujourd'hui, ce sont des restes archéologiques les plus spectaculaires pour le tourisme nord-américain. C'est allé Bandelier, Chaco Canyon, vous avez vu sur les films, c'est un incroyable village qui sont excavés sous la roche. Mais sans personne. Pourquoi sont déshabités? Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de théories, et Tim Kohler, sans de théorie, je n'ai aucune théorie, tout simplement, c'est la création d'un monde absolument basé sur des données paléorientales et une dynamique de population à partir de tout ce que j'ai pu connaître de la dynamique humaine en général et de la dynamique des humains les plus proches à ces populations, qui étaient les populations Anasazis, et aussi quelques éléments sur chasse, collection, la capacité, l'efficacité de la technologie de ces populations, qui n'est pas la technologie des pueblos, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas une image, un modèle des pueblos sur ce modèle historique. C'est un modèle assez riche et assez évolutionné. Un autre exemple, aussi à une échelle réelle, c'est le système Enkidu, à partir du nom d'une divinité sumérienne, sur la Mésopotamie, qui fait la même chose. C'est choisir une petite région du nord de la Mésopotamie pour laquelle on a beaucoup d'informations. Puis là, information textuelle à partir d'un fonctionnement économique et essayer de créer tout le système économique et social. Comment on part à point de départ? C'est une société du type villageoise et fait une évolution dans un état presque urbain. Et à partir d'ici, alors, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, des simulations qui utilisent systèmes de hiérarchie, des systèmes de décision. En archéologie, très important, la technologie ancienne et l'organisation nationale du travail pour exploiter des mines, par exemple, au Hallstatt, la formation des hôpitaux de la hache de bronze, l'âge de fer en Tchécoslovaquie. À partir du contrôle du territoire, en question de la guerre, en question de la reproduction, des systèmes d'échange, etc. L'origine des villes en Étrurie, par exemple, pas beaucoup sur les éléments de l'économie romaine. À partir de que nous arrivons à l'histoire grecque, on commence traditionnel analphabétisme des historiens, je m'excuse l'expression, mais c'est vrai, il n'y a pas des applications méthodologiques, beaucoup, il y a quelque chose du monde romain, quelque chose sur l'expansion en Polynésie, et beaucoup de travail sur la guerre, l'histoire de la guerre, le moment des armées par exemple, la question de mortalité, surtout les questions, les textes nous parlent d'une armée de 50 000 personnes. Une armée de 5 000 personnes a besoin de cet espace pour se déplacer, de cette quantité de nourriture, c'est impossible mathématiquement, formellement. Alors, c'est une ligne de l'histoire des opérations militaires en Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIIe siècle, même la défaite des Catalans contre l'armée franco-espagnole, c'était votre famille Bourbon, qui a détruit l'armée catalane. Nous avons fait une simulation de cette défaite. Il y a beaucoup de choses, des possibilités de travailler sur les époques récentes. Je cherche toujours quelqu'un qui simule la Révolution française, où c'est une transition historique fondamentale. Comment une petite émeute sur les rues de Paris est arrivée à la diffusion des systèmes de démocratie parlementaire presque partout. Et sinon, les systèmes dictatoriaux qui sont supportés par les démocraties parlementaires. C'est un système très intéressant. Il y a beaucoup de choses sur la diffusion des systèmes de la démocratie parlementaire, mais pas sur l'origine. Et là même sur la révolution industrielle aussi. Alors, il y a des possibilités énormes. La possibilité de prédire les passés, de faire des prédictions sur l'avenir. Attention, parce que ça commence à arriver, cette possibilité. Si nous pouvons faire un système et partir d'une époque donnée, faire une vérification que ça marche, alors je peux créer le système de la France, de Gallia au début de Jules César. Et à partir de ce système, je contrôle le système de l'évolution de la France, ça marche. Et, bon, d'accord, est-ce que le système, la France en 2015, exactement à l'état de la France en 2015, incroyable, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que les agents, on est en train de comprendre. Alors, les agents français du système 2015 ne sont pas les agents de l'époque romaine, parce qu'ils ont évolué à fur et à mesure que l'environnement social, politique, économique a été transformé. Oh, alors, qu'est-ce qui se passera demain? Est-ce qu'on peut le faire? Aujourd'hui, on peut commencer à nous poser la question. Je ne sais pas si la question sera à une réponse positive ou négative. 10 ans avant, c'était incroyable, c'était la science-fiction, c'était Asimov et la psychohistoire. Ça existe, bien sûr, Asimov a créé cette histoire et il croyait que c'était bien possible. Aujourd'hui, nous avons une technologie avec des limites certaines, mais sont des limites technologiques qui sont assez réparables facilement. On peut trouver une solution. Alors, si il y a quelques années que les biologues ont commencé à penser les problèmes moraux, éthiques et déontologiques de la reconstruction du génome humain, aujourd'hui, on peut commencer avec les historiens, avec les nouveaux outils, commencent à reposer la question de à quoi sert l'histoire. C'est tout. Bravo. Merci. Merci, Joanne, pour cet exposé très très riche, qui de quoi nous surprendre, nous, dans notre cursus habituel des sciences sociales, où je pense que présenter les choses de cette façon-là est proche de l'hérésie, presque. Enfin, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on nous enseigne sur cette impossibilité, justement, d'établir des lois du comportement et donc, finalement, de prédire le futur. Donc il est vrai que, bon, même si c'est pas non plus une découverte, mais en fait de le voir comme ça, développer, etc., c'est, bon, on a une réaction C'est pas du refus, hein, mais c'est une réaction parce qu'on n'est pas. On n'est pas. Nous ne sommes pas beaucoup pour travailler avec cela. Alors, il y a une association professionnelle pour la sociologie, l'Association professionnelle européenne de simulation sociale. Et la plupart, ce sont des sociologues qui sont en pas très bon rapport avec les économistes. Tous ces systèmes en économie sont très très populaires. Et ça existe une association qui s'appelle l'Artificial Economics, qui sont créés des systèmes de marché artificiel pour essayer de comprendre les marchés actuels. Ils sont très très performants, ils ont beaucoup d'argent. Schelling a gagné le prix Nobel. Alors, il y a eu des prix Nobel en économie pour utiliser ces systèmes de simulation. Maintenant, la sociologie analytique commence à dire attention pour que ça marche. Attention parce que dire que n'importe quel problème aujourd'hui a une solution, mais on peut commencer à travailler. Et ce sont des congrès avec des 150 participants, pas plus. Alors, ça veut dire que la totalité des sociologues ont considéré ces outils. En archéologie, probablement, nous sommes 20-30 dans le monde aujourd'hui. Il y a l'école nord-américaine, très très forte, surtout basée à Washington State University, avec l'exemple de Tim Keller et tous ses élèves qui sont un peu partout. Nous avons l'école anglaise, basée à la UCL, à l'University College London, avec Mark Lake et Stéphane Chenin, qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Maintenant, nous avons l'école espagnole. Nous avons eu une chance. Par chance, j'ai trouvé un sociologue qui était un spécialiste en sociologie analytique. Lui, il m'a posé en contact avec des ingénieurs en informatique. Nous avons eu la chance d'avoir pendant 5 années des millions d'euros pour travailler. Nous avons fait un groupe de plus de 11 institutions et 60 groupes qui travaillaient. Et bon, ça, nous avons eu cette masse critique pour commencer à faire des choses. Alors, il y a une école espagnole de cette simulation, il y a une école italienne plus sociologique, plus du côté de la physique, mais très intéressant aussi. Et ça commence à faire des choses. La chose la plus intéressante que j'ai vue, c'est que l'on a Oslo la semaine dernière, c'est que la plupart sont déjà très très jeunes, qui ont fini le PhD, le doctorat, ou qui sont en train de le finir. Ils sont des gens très très dynamiques. Alors, c'est le futur de la discipline. Parce que moi, je veux être provocatif, je crois que l'histoire a seulement deux possibilités. On brûle tous les livres de l'histoire, et on finit avec l'histoire, on utilise cette technologie. Parce que sinon, il faut aller dans la rue, demander aux gens, que pensez-vous sur l'histoire? Bien sûr, il y aura toujours la possibilité des certains professionnels pour ramasser tous les données de l'histoire, fait une documentation, par impératif légal, je dois garder tous les témoins du passé. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est impératif légal. C'est une loi qui dit loi du patrimoine. Et c'est une définition du commerce de l'UNESCO. Ben, il n'y a aucune réflexion. Allez sur les musées, le monde de la théorie des musées. C'est absolument effroyable, l'absolu total manque de théorie. Ou la théorie qui affirme la manque de théorie sur le patrimoine. L'autre possibilité, c'est tout est possible. D'aller demander à l'État de l'argent, des sous, de salaire pour être postmoderne. C'est incroyable. D'aller demander des sous publics pour être un malade mental. Il faut être si violent contre le postmodernisme comme les postmodernismes sont contre la civilisante science sociale scientifique. Mais tu as à peine évoqué la question, mais en économie, justement, on aimerait bien voir des économistes qui fassent de la modélisation, de la simulation telle que tu la présentes, et tu as dit qu'il y avait un groupe très actif, mais on n'a pas vu dès la prédiction des crises. Il y a eu. C'est pas problème, arrivé. Alors. Regardez le ministère de l'économie. Est-ce qu'il y a un économiste formé? Alors la crise de 2008, c'était une des choses les plus facilement prédictibles qu'existait absolument n'importe quel économiste formé. Qui disait, bien sûr, le problème pensez que non, monsieur le ministre, madame la ministre. Non, vous savez, votre madame la ministre, apparemment, c'était le président du Fonds monétaire international. Alors ça, c'est un problème, c'est une question de politique, pas une question de déconnaissance. Ça a réellement été publié par des scientifiques. Il disait Paul Krugman, prix Nobel d'économie. Lui, il disait absolument toujours. Le problème des Européens, c'est qu'il n'y a aucun ministre qui soit économiste, avec cette phrase. Et ces économistes font ces questions. Et toute cette question de comment s'appelle l'économie, imposée par les Allemands sur les contrôles de la dépense, c'est absolument en dehors de la théorie économique. Il y a seulement un modèle économique qui a été calculé avec excès. Et on a toujours montré que c'était faux du point de vue de l'arithmétique. Mais le Wall Street Journal considère que c'est le seul modèle économique qui existe sur le monde. C'est un problème de comment les politiciens ou les agents avec pouvoir politique on utilise les prédictions économiques. Alors, si au lieu de voir les prédictions, on regarde un peu le cours de l'histoire pour lequel on a vraiment des périodes historiques, on a vraiment beaucoup de documentation qui permet de savoir des données très précises sur justement l'économie ancienne, plus les événements historiques, plus, etc. Est-ce que, peut-être pas à l'échelle, une échelle très très très très grande, mais sur à l'échelle d'un pays, etc., est-ce que ça a été tenté de voir si avec les modèles que l'on faisait sur le comportement, sur les données climatiques, etc., on arrivait à retrouver le cours de l'histoire? Il y a un livre très intéressant de Peter Tarkin, qui s'appelle Historical Dynamics. Lui est un Russe qui travaille aux États-Unis. Il a fait un modèle de l'évolution politique de l'Europe en époque moderne et l'origine de cette nation. Et ce modèle est parfaitement prédictif. Il commence à la fin de l'Empire romain et il prouve que l'évolution arrive à créer des États nationaux à partir des frontières qui existent. Bien sûr, il y a des frontières très, très claires. Alors, les frontières de l'Hexagone, qu'ils ont appelé Julius César, les frontières pyrénéennes pour la péninsule ibérique, mais il y a des autres états-nations tardifs, comme par exemple l'Allemagne, qui n'a pas été créée. Et toute la production établit quelles sont les frontières et quelles sont les causes pour que ce soit les frontières des états-nations. Ça, c'est un exemple. C'est que c'est vrai qu'il nous manque beaucoup plus d'applications historiques pour lesquelles nous avons une connaissance préalable des mécanismes, parce que nous avons beaucoup de documentation politique et économique, et nous avons beaucoup de données pour valider les résultats. Mais on a toujours ce problème avec les historiens et cette haine contre la machine, plus que contre la machine, contre les méthodes. Et concernant ce qu'on pourrait appeler par ailleurs l'arbitraire, c'est-à-dire que des agents fassent des choses en dépit de tout ce qu'ils seraient censés faire, et que du fait de la position qu'ils occupent, qui n'est pas une position secondaire, enfin très, très inférieure, aboutissent à des changements, à des bifurcations majeures dans le cours de l'histoire. Est-ce que ça, on arrive à le faire rentrer dans la machine On a commencé à faire des choses pour simuler, dans un petit groupe, par exemple, l'actuation de Churchill sur la Convention de Yalta, par exemple. On a fait un système à gens pour voir quelle était la réponse, pourquoi ils sont arrivés à cette décision, pour évaluer l'influence des personnalités. Alors, une personne qui crie beaucoup, Staline, une personne beaucoup plus réflexionnée, rationnelle, comme c'était Roosevelt, par exemple. Comment est-ce qu'ils ont arrivé à cette décision? En concernant la psychologie des personnes. Et après, on peut utiliser la psychologie des personnes, la quantité des personnes, si l'effet masse est plus important que l'effet individuel, quelles sont les ressources de pouvoir, si l'action de la masse a une conséquence sur l'efficacité des mécanismes de pouvoir. la question de l'éducation, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de thèmes. Et nous sommes vraiment très, très au début du système. On entend quelquefois les aspects de l'interaction à la grande échelle. Bien sûr, parce que jusque maintenant, nous avons pouvoir calculer pour travailler sur la grande échelle. Mais il nous manque encore travailler sur les rapports de la petite échelle, de les décisions individuelles, jusqu'à la propriété émergente. Mais c'est tout simplement d'écrire, faire l'algorithme et une machine performante. Quand les ingénieurs voient notre système avec 11 variables libres, ils disent, c'est impossible. Et comment on pourrait rendre compte d'un comportement d'une personne qui a un certain pouvoir, mais qui aura un comportement irrationnel, justement, est-ce que c'est possible Qu'est-ce que ça veut dire, rationalité? C'est-à-dire qu'il ne soit pas... je ne sais pas exactement, mais... je sais pas, c'est vrai que c'est difficile à définir, mais... on ne pourrait pas prédire, en fait, justement, c'est... Non, mais on peut faire... C'est très très simple. On peut faire... Alors, un égoïste, par exemple... Non, mais par exemple, quelqu'un qui a vraiment un comportement inexplicable, on va dire, par la façon dont nous... Un fou. Oui, un fou, voilà. Alors, un fou, un psychiatre, bien, elle sait très bien. Alors, c'est une personnalité schizophrénique qui, par exemple, peut essayer d'imiter un comportement d'un personnage historique. Alors, je deviens fou, je deviens président de mon pays, et je vais imiter Staline. Alors, il faut que je tue tous les Espagnols. Je ne sais pas, on peut le faire. Si vous allez... Non, mais parce que ça peut être possible de payer une personne qui arrive à... statut de pouvoir, par exemple, donc de prise de décision, et qui soit une personne qui devienne, ou peu importe, qui devienne folle, par exemple, et qui, du coup, prend des décisions qui, nous, en tout cas, nous paraissent irrationnelles. Tu penses à qui à personne, non, je vois il y a quelques exemples. Alors, de mes connaissances, nous avons les dernières rois autriches en Espagne, Charles de Sienne, c'était le fou, parce qu'il voulait monter à cheval sur les tapis. Il était fou complètement. Mais c'était le roi. Mais le roi n'avait pas le pouvoir, c'était une image. Il était complètement fermé sur le palais royal, et c'est le ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, en tout cas, à un moment T, où cette personne-là, même malgré sa folie, peut prendre une décision qui est justement comme la goutte d'eau, qui est très importante? Aucun problème, c'est tout simplement implémenté. La grande question, c'est que le modèle est toujours une boîte transparente. Il faut écrire. C'est vous qui savez. Alors, la folie de gouverneur est très très important pour comprendre ne sais pas quoi. Il y a une explication qui dit que l'indépendance des États-Unis est en rapport avec la folie de George III, parce qu'il était incapable de prendre les décisions. Même au moment que l'armée anglaise était sur le point de gagner aux rebelles, arrive George III, décide, ah non, alors on lui donne l'indépendance. Dans ce cas-là, ça marche que pour une prédiction dans le passé. Oui, c'est pour ça qu'on parle toujours de prédire les passés. Mais si la prédiction du passé s'avère exacte, pourquoi pas on change? Mais c'est vrai que du coup, il y aurait quand même une inconnue forcément, puisqu'il y a au moins cet élément-là qui ne peut pas être prédit pour... Alors, ça c'est Asimov. Je vous recommande lire le cycle de la Fondation. Parce que vraiment, il est tellement content de sa théorie qu'il reproduit son image. Alors, dans 200 années, j'ai dit que Pascal a des choses. Il a préparé une salle avec une projection qui sera déclenchée au même moment que cette crise sera passée. Alors, c'est très intéressant. L'idée, bien sûr, il n'y a pas de mathématiques... Alors, moi je suis ingénieur informaticien, donc je ne vais pas avoir peut-être les mêmes approches que vous, mais ça rejoindra un petit peu sur ce qui se passe avec les agents à faible nombre. Quel est l'impact de l'incertitude dans ces modèles? Et quel intervalle de confiance vous mettez dans chaque paramètre? Et on va encore plus loin, est-ce que la variation de cette incertitude sur un nombre très élevé de simulations a un impact, ou alors ça se smooth, enfin ça se lisse, voilà. Et d'autre part, vous avez beaucoup de chance parce que avec l'histoire, vous pouvez caler ce modèle de manière tout à fait rigoureuse. au point de, vous allez dans mon sens, de pouvoir l'utiliser sur une prédiction de l'avenir, si c'est suffisamment calé. Et que peut-être qu'il y a trop de paramètres maintenant qui interviennent en jeu. Alors, au moins pour l'incertitude sur ce modèle, comment vous le prenez en compte? Alors, nous, personnellement, la solution était probabilistique. D'accord. Il y a un décret. Oui. Alors, j'utilise une gaussienne. Oui. Il y a toujours un 5% de probabilité que quelqu'un prend des choses complètement différentes. Ou bien ces 5% suivent la majorité. Pourquoi 5,85%? C'est une gaussienne. Pourquoi une gaussienne? C'est la loi normale. Je n'aime pas beaucoup l'expérience de la loi normale, mais. Maintenant, on commence à travailler. Il y a certaines choses qui travaillent sur des lois de Pareto. Et pourquoi implémenter des choses avec des lois exponentielles? Alors, il y a beaucoup de choses sur la incertitude qu'on pourrait utiliser. Bien sûr, les plus incertitudes qu'il y a, les plus degrés de liberté des indépendants, l'espace paramétrique devient impossible. Alors, on a commencé à travailler parce qu'au début, les ingénieurs disaient, alors, votre modèle, qui pour moi est incroyablement simple, pour l'origine de la diversité culturelle, c'est impossible d'étudier. Bon. On a commencé à travailler, alors on a vu l'espace paramétrique, pas complet, mais au moins des limites, c'est avoir trois valeurs de limite de chaque paramètre. Et nous travaillons avec tout l'ensemble des valeurs possibles, ça veut dire 1 400 000 fichiers et plus de 1 000 000 de données, 5 terabytes de données. Alors on travaille, nous avons travaillé, commencé à créer un système pour ordonner toutes ces données et à partir de cela, filtrer, utiliser des mécanismes statistiques pour le filtrage. Une fois que nous avons filtré, nous avons une base de données, 30 000 registres qu'on peut travailler. Et avec cela, on peut étudier alors tout ce que nous vous demandez, quelles sont les sources de la stochasticité du système. Je peux répondre. Maintenant, j'imagine que le mois prochain commencera à avoir ce résultat. Cela avec un système de comme ça. Bien sûr, nous avons travaillé avec NetLoro, qui c'est un langage interprété avec les fonds de Java, mais c'est très très lent. Alors, il y a des copains qui, au centre de supercomputation, disent on va passer tout cela à Python avec une librairie de calcul spécial parallèle qui s'appelle Pandora. Si j'ai pu accepter ça. On a commencé à travailler sur Flame. Je ne sais pas si vous connaissez Flame, non? C'est un langage pour faire des simulations sur des grids. Parfaitement préparé pour les calculs parallèles. Mais on n'a pas besoin d'un centre de supercomputation. C'est programmé en XML, tout simplement. Il faut faire l'arbre de décision sur XML et donner des fichiers individuels pour les agents. Après, il faut programmer l'interface graphique et les variables de monitorage. C'est relativement simple. Et on a fait une implémentation de Flame sur les chips de NVIDIA, sur l'architecture CUDA. Alors ça, vraiment, c'est calcul parallèle. C'est notre intention de travailler. J'ai deux programmeurs travaillant avec cela. Un d'eux à faire une thèse de doctorat sur l'implémentation Flame sur CUDA. Alors, on pourrait avoir vraiment un pouvoir de calcul incroyable. Les plus de pouvoir de calcul incroyable, les plus de données je peux travailler. Mais bien sûr, c'est la logique après, parce qu'aujourd'hui j'ai 100 terabytes de données. Si je les donne plus de variables, l'espace paramétrique plus grand, c'est toujours trouver une solution. Et j'avais une autre question à propos des agents et de leur vie. Qu'est-ce qui marche le mieux? Beaucoup d'agents avec très peu de possibilités, ou alors beaucoup moins d'agents, mais ayant un grand panel de possibilités. Est-ce que un mécanisme social type fourmi fonctionne beaucoup mieux que quelque chose de totalement libertaire? Non, c'est pas ça. Avec beaucoup de liberté, on va dire. C'est la discussion de la complexité et la complication. Alors, ça dépend de qui fait vous la question. Un ingénieur toujours dira, c'est la complexité, alors pas beaucoup de gens, tous les gens comme les mêmes, mais le système très très complexe et non linéaire. Un historien dit, la complication, pourquoi? Tout le monde est différent. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas une réponse facile. D'accord. J'ai tendance à dire, aujourd'hui, nous sommes sur un coup de bouteille, parce que les systèmes actuels ne sont pas définis pour travailler avec la complication. Il y a beaucoup de théories informatiques sur la complexité, mais je n'ai lu aucun article sur la théorie de la complication en informatique. Parce que, bon, c'est la question des big data aujourd'hui. La complication, c'est les big data, plus ou moins. C'est la question de la grande variabilité. La tradition en histoire, en statistique, c'est toujours trouver un mécanisme probabilistique pour travailler avec la variabilité, mais jamais avec une description qualitative de la variabilité. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est une société fournie. L'exemple, c'est Surascape. C'est incroyable. Surascape, c'est un système qui a été créé en 1992, plus ou moins, qui sont des fourmis qui produisent des sucres, qui accumulent des sucres. Il y a toute une relation de pouvoir à partir de la relation de la différenciation sociale du travail, etc. Et c'est une création des grands empires sucriers. Il y a de la guerre, il y a des classes sociales, etc. Le résultat d'une classe à la Santa Fe Institute que Epstein a présenté sur Ascape, il y avait un archéologue dans la réunion. Il toujours, il y a un médecin dans la communauté. Est-ce qu'il y a un archéologue? Et c'est Epstein qui a demandé, est-ce qu'il y a un archéologue dans les groupes qui connaît quelque chose de semblable? Il dit, oui, les anassassis. Et c'est comme ça qu'est apparu la simulation des virtuels anassassis. Aujourd'hui, George Gumerman a presque 90 ans, et lui encore est actif sur ces simulations. Et c'est incroyable. Alors, c'est un système très très simple qui donne des résultats historiques. Alors, il faut reposer la question en historique. Et on lui dit, si nous avons un système d'agents stupides, avec des systèmes dynamiques très très très simples, mais les résultats historiquement complexes, que croyez-vous? C'est la question de la Révolution française. Qui est coupable de la Révolution française? Danton, Robespierre, la complexité psychologique de ces mecs? Ou bien la masse aveugle des gens qui ont commencé à sortir de la rue et aller prendre la Bastille? C'est les bourgeois qui se sont révoltés contre la noblesse qui a lancé la Bastille. Qui ont pris la Bastille. Ils ont fait jouer sur le peuple, c'est facile. C'est la manipulation. C'est une manipulation exacte. Qui est fondée sans doute aussi un peu sur le problème climatique parce qu'il n'y a pas à bouffer, parce qu'il y a fait à jouer, mais c'est une manipulation. Il faut faire une simulation. Il faut faire une simulation et chercher. Alors, nous pouvons créer un modèle très très simple, avec des agents stupides, comme j'ai dit avant, et qui a un résultat historiquement parfait. Alors, pourquoi réfléchir une théorie parce qu'elle est très simple? Quelle est la cause de la Première Guerre mondiale? Principe qui était fou et assassiner l'archiduc? Oui. Le même assassinat dans n'importe quel autre jour, probablement, n'aurait pas arrivé à cela. On comprend très très bien que c'était un problème de la débilité, de la personnalité du roi de Prussie qui a accepté les réclamations de l'Autriche, absolument hystérique, la confession de la débilité de l'armée autrichienne et l'essence extraordinaire de pouvoir de ce militaire prussien qui encore se souvenait de la guerre franco-prussienne. Alors, c'est ce que vous avez dit. Alors, une question des personnalités a produit 90 millions de morts. Mais tout cela, c'était possible d'analyser si on connaît bien les mécanismes. Alors, c'est un outil, c'est la voie utile des historiens. Alors, on va faire un modèle de l'origine de la Première Guerre mondiale. Les attentats de Paris ont pu en déclencher la guerre mondiale, peut-être dans d'autres circonstances. Alors ça, c'est les choses les plus intéressantes. Pour la première fois, l'histoire apparaît vraiment comme un domaine de faire des choses utiles pour notre société. Parce qu'on peut commencer, il y a un modèle, pas un livre avec une théorie, je ne sais pas quoi. Il y a un mécanisme qui produit un résultat, qui aussi exactement pourquoi ce mécanisme apparaît. On peut faire des expérimentations. Je ne comprends pas le résultat, c'est incroyable, je n'espérais pas ce résultat. Et nous l'avons. Pourquoi? Ça, c'est la vraie histoire pour moi. Pas l'histoire que se souvient de Julius César, les grands prohommes. Il n'y avait jamais profane, toujours prohomme. L'histoire, c'est événementiel. J'imagine que ça a beaucoup de liens, enfin tout ça, et peut-être que l'un fait évoluer l'autre, enfin dans les deux sens, c'est le développement des jeux sur... Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de liens avec... Bien sûr, alors quand on commence à simuler, ça a une chose qui a commencé Gilles Dorin, d'une bande, et Georges Gouvernement de l'autre, ça va avoir beaucoup de rapports entre eux, au début des années 90. Jim Gouvernement, pas qu'à connu Epstein, il a commencé à faire l'évolution de Solaskev. Et Gilles Dorin, parce que lui, il était un des élèves de Turing, un ingénieur en intelligence artificielle, qui a travaillé toute sa vie avec les archéologues. Je ne sais pas si vous connaissez les Dorin et Hodgson, le livre de l'archéologie computer. C'est un des classiques des années 70. C'est pour cela qu'ils ont commencé à le faire. À partir de cela, on a commencé à voir. On a découvert qu'Epstein avait un groupe de sociologues, des économistes qui travaillaient sur ce sujet. Est apparu en 2005 la sociologie analytique. La sociologie analytique a découvert ce truc qui était utilisé par l'économie. La sociologie analytique était très en rapport avec l'économie. À partir de l'analyse du marché, on dit bon, d'accord, l'analyse du marché est trop économique, trop mécanique, il faut introduire des éléments cognitifs. Est apparu la sociologie analytique comme ses résultats. Les psychologues et le développement des sciences cognitives nous disent pourquoi pas, on peut faire des agents intelligents. Alors l'intelligence artificielle entre aussi dans ce domaine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille. Je vous dis, alors, les grands manuels de tout cela, c'est des années 2000, c'est une technologie qui aujourd'hui, pour les débuts du point de vue informatique, c'est presque 15 ans. Et qui est arrivé sur le monde de la science sociale 10 ans, 8 ans. C'est très récent. Et en archéologie, bien sûr, on a des référents. Il y a une certaine inertie. Alors, la théorie classique des jeux, le dilemme des prisonniers, c'est incroyable. Ça arrive absolument partout. La sociologie analytique, les seules choses qui parlent, du dilemme des prisonniers, de la théorie des jeux. Et la logique floue, pourquoi pas? On peut commencer à faire des choses beaucoup plus performantes. C'est sûr que enfin, si le but c'est de retrouver des mécanismes derrière le comportement humain, bon, quelque part des lois, etc. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans cette quête, cette façon de concevoir l'histoire, les sciences humaines, c'était un peu bloqué par la vision popérienne. Des systèmes simples, linéaires, etc., où il fallait que, pour qu'une loi soit intéressante, il fallait qu'elle comporte en elle les éléments qui la réfutent, etc. Or, lorsqu'on passe à des systèmes de logique floue, des systèmes statistiques, probabilistiques, etc., bon, on voit très bien que c'est beaucoup plus... Ça se résume pas à un truc qui serait pas présent ou présent, mais c'est plutôt quelque chose qui serait plus présent ou moins présent ou très présent qui va faire la différence. Enfin, je sais pas si je m'embrouille un peu là, mais c'est peut-être la raison pour laquelle en histoire, en les sciences sociales et bon, en archéologie, on a considéré que c'était une voie un peu sans issue. La voie qu'avait ouverte aussi Garda à un moment donné avec certains experts qui n'était pas assez raffiné parce qu'il n'intégrait pas toutes ces formes de logique plus complexes ou ces éléments de bayésien, etc. Qui fait que, on sentait qu'on avait voulu essayer de faire un système formellement beaucoup plus acceptable. agréable, etc. Mais en même temps, ça bloquait très vite, et donc c'était apparu comme une espèce d'impasse. Alors que là, on repart sur des bases nouvelles, avec selon l'histoire dont tu viens de parler, c'est-à-dire des économistes qui commencent à regarder ce que font des sociologues et d'autres qui travaillent sur la théorie des jeux. Voilà. Bon, c'est quelque chose de très récent, visiblement, une quinzaine d'années, même pas, qui fait partir la question des systèmes experts sous d'autres bases et qui paraissent beaucoup plus, a priori, comme ça, on est plus ou moins convaincus. Oui, je crois que... Ça fait un peu peur, mais on a plus... Le problème, c'était que Popper était limité par l'histoire de son époque, et cette idée de la loi qui explique tout. C'était une façon de rapprocher la société humaine avec le système physique. Parce que la physique de l'époque était basée sur un système de lois universelles. D'accord. Mais aujourd'hui, la physique est une autre chose. C'est la théorie des progrès émergents dérivant de la physique quantique, c'est impossible de définir avec une seule loi un comportement très complexe. Et à partir de cette conception de la physique, cette partie de la physique où le système traditionnel des lois de la nature ne marche pas, alors on a commencé à dire, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est reproduire le phénomène. Alors la loi, en plus, c'est une façon de reproduire le phénomène. Alors, on la voit, c'est tout simplement la même chose, mais plus en plus. C'est très, très intéressant de lire Asimov, parce que Asimov a cette vision des lois historiques. C'est une formule, c'est une équation. Mais pour faire ça, j'ai besoin de 30 000 équations. Une équation pour chaque agent. Et lui donner la liberté à chaque agent. Et donner des décrets de liberté. Alors, a changé complètement le langage. La chose la plus importante, c'est qu'en physique, a changé la question et pour cela a changé le langage. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des comportements d'un physique quantique qui étaient impossibles de travailler avec une équation différentielle. Ils ont commencé à travailler avec des réseaux d'émergence et de, comme on l'appelle, self-organisation, auto-organisation. Et on arrive à en histoire, pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas utiliser ce langage? Mais si on utilise le langage, il faut changer la question. Ce qui ne marche pas, c'est avoir la même question qu'avant, avec un nouveau langage. Et nous avons beaucoup de ça en simulation. Des questions traditionnelles en histoire, et on fait un système. Alors pourquoi faire un système si on connaît déjà la solution? Il ne faut pas utiliser un canon atomique pour tuer des mosquitos. Les moustiques sont pris, alors avec la main, je peux le tuer. Et les problèmes historiques sont assez simples, assez faciles. Il ne faut pas faire de la mathématique pour tout. D'abord, il faut réfléchir. Quel est le problème? Et je crois que ça, c'est le point le plus important. Popper n'a jamais entendu le problème historique. Jamais. Si on lit toutes ces idées sur la société ouverte, c'est qu'il ne comprend pas le problème de la cause-effect non linéaire, à pied la société humaine. Parce que pour lui, la société, c'était une chose que... Il savait qu'est-ce qu'elle était. Premièrement, parce que lui, était asocial. Oui, c'est une population, c'est des individus à coller les uns aux autres. Les individus sont collés, alors les individus ont une interaction et ont la possibilité de décider est-ce que je peux faire cette action ou cette autre? Et quelle autre action il y a? Je peux utiliser absolument tout ce que je veux, bien sûr. Les plus des choses que j'ai mis dans le modèle, j'aurai une reproduction de la société. Et je ne gagne rien. Parce que je vais comprendre la société. Si j'ai un modèle qui a la même complexité et complication que le monde réel, la réalité n'est pas l'explication de la réalité. C'est une chose qu'on a appris, malgré Popper. Le problème qui va se profiler avec la possibilité de prédire l'avenir, c'est qu'il va falloir introduire dans les agents l'idée qu'on puisse prévenir l'avenir. Ah, tu vas changer leur comportement parce que comme ils vont s'attendre à ce qu'on prédise leur comportement, ils vont peut-être agir différemment. Ça c'est très intéressant parce que c'est un quatrième livre de la série de Asimov, pas écrit par Asimov, par un autre auteur, c'est Donald Kingsbury, qui lui s'approchait aux héritiers d'Asimov pour utiliser les mêmes mots. il ne donnait pas la permission. Alors il a créé une évolution, c'était la même empire galactique, 300 années après la deuxième fondation. Quand tout le monde connaît que ça existe la deuxième fondation, que tout le monde connaît que ça existe la loi de la psychohistoire, et tout le monde connaît que quelqu'un peut prédire le futur. Alors, quelles sont les mathématiques qu'on a besoin pour comprendre un système formel? Du point de vue informatique, c'est très simple. Parce que c'est théorique. Il y aura toujours un système formel dans lequel le système formel antérieur soit explicable. Mais on a besoin toujours d'un troisième système formel pour expliquer le système formel qui explique le troisième. Du point de vue des historiens, c'est très facile. Alors, créer un système gardérien où j'essaie de comprendre les historiens qui vont comprendre la réalité, c'est très très simple. Et après, faire un système que j'essaye de simuler pourquoi moi, je suis en train de simuler les historiens qui sont en train de simuler. La passion pour la science-fiction, toi, Joanne, elle est venue, elle était avant de faire ça. Évolutif, autour de lui. Non, ce sont des lectures, et quelquefois sont intéressantes, bien sûr, du point de vue de l'analyse historique et analytique, sont pénibles, la plupart d'entre eux. Et c'est très facile d'écrire un livre de science-fiction. Il y a une nouvelle mathématique pour faire je ne sais pas quoi. Je vais lire cette mathématique. Bon, que vous savez qu'il y a une association pour faire des workshops, des ateliers, pour apprendre tout cela. Vous pouvez venir à Barcelone, et on organise de temps en temps au laboratoire des cours de NetLoro, par exemple. Et on va publier des matériaux aussi pour former les gens. Vous voulez dire... Vous ne faites pas des trucs sur Internet, des MOOCs Non. Oui, si. On est en train de créer tous les matériaux qui sont déjà faits. Pas en MOOC, mais en système de fichiers, de documentation. Parce qu'il y a beaucoup de travail personnel. J'ai une question. Est-ce que vous avez parlé à un moment donné d'altruiste, d'égoïste? Est-ce que c'est la même dichotomie qu'on peut retrouver au niveau psycho, en hypersensible et à l'inverse, ces personnes qui manquent d'empathie? Est-ce qu'on peut la retrouver à l'échelle individuelle, à des échelles plus importantes, à l'échelle des sociétés? Est-ce qu'elles sont intégrées au modèle que vous avez? Oui, bien sûr. Notre système est un système de gens réciproques qui aiment la réciprocité, tout simplement parce que les avantages de la coopération sont si simples que tout le monde est altruiste dans ce monde. Pourquoi? Parce que la discontinuité est si forte que dans trois cycles, j'ai besoin de devenir, d'être aidé par quelqu'un. Alors, bien, on pourrait le définir, faire un algorithme, parce que c'est un dilemme de prisonnier, théorie des jeux, et avec tout simplement que la matrice des payoffs est très très favorable. C'est très simple. Alors, pourquoi introduire 15 lignes de code, que c'est très simple. Alors, c'est en fonction générale. Et la plupart des gens, si tu as l'occasion de coopérer, les 95% coopèrent. Il y a 5% qui refusent. Pourquoi? C'est quoi? Il faut demander aux agents. C'est plus simple à niveau de code. À niveau de vérification, il nous manque faire les payoffs. Mais je vous ai montré la payoff. Nous l'avons créé. C'est simple. Le problème, c'est qu'en sociologie, en psychologie sociale, ce sont des typologies préexistantes. Et je n'aime pas du tout les choses préexistantes. Alors, comment faire pour qu'un agent déviant, égoïste ou coopératif? Pour moi, il devrait être une propriété générale. Normalement, dans les groupes grands, dans les grands groupes émergents, il faut voir si c'est un groupe qui accepte tout le monde ou non. C'est intéressant parce que le modèle de Schelling, ce modèle est d'un genre absolument stupide qui tout simplement cherche la compatibilité. Non, aucune rationalité. C'est en fonction des distances, tout simplement. Et à la fin, on a un système de gens qui refusent la réciprocité. C'est un système de saturation spatiale. Alors ça, c'est nous faut réfléchir. Est-ce que vraiment on a besoin d'une typologie psychologique, d'une personnalité? Moi, j'aime beaucoup partager avec tout le monde. Et bon, cet autre, c'est quelqu'un qui est horrible et terroriste. Ou tout simplement trouver un mécanisme simple, non conscient, qu'on arrive à cette conclusion. Parce que c'est la seule chance de sauver. La question, c'est que les décisions qu'on prend en commun affectent la reproduction de cet agent. Et la fonction d'utilité. Pour nous, la fonction d'utilité, c'est la survivance. Est-ce qu'il y a des autres fonctions d'utilité, bien sûr? Dans une communauté, ou il faut aller au supermarché, ou à l'officine de la sécurité sociale pour obtenir de l'aide alimentaire, de la nourriture. Et nous avons autre fonction d'utilité. Mais c'est toujours une maximisation partielle. Mais il y a beaucoup d'exemples pour faire l'évolution sociale et l'origine des inégalités à partir d'une population qui a un tout petit numéro des égoïstes. La plupart des populations sont normales, sont des coopérants si on avait soin. Ils ne sont pas particulièrement bonnes personnes. Mais si on avait soin, pourquoi pas? Un tout petit groupe de gens que tout pour moi. Si on laisse un système évoluer avec certaines règles d'évolution, on voit qu'il apparaît un système de domination. Et on a appris que dans les sociétés primates, ça existe aussi. Alors, toute cette tentation de réciprocité et d'égoïsme ne sont pas à la base, mais il y a des mécanismes plus simples qu'on pourrait exploiter. Oui, ça pose toujours la question de la démarche analytique, c'est-à-dire que nous, on a des concepts qui sont peut-être ils sont construits de façon synthétique, ils mettent des tas de choses en même temps, un peu de morale, un peu d'observation, un peu le truc. Et donc, dans cette approche-là, au contraire, il faut couper les trucs en... Il faut couper pour écrire. Il faut couper pour écrire. Une fois que tu les as écrit, alors on comprend comment est-ce que ça marche. Parce que sinon, bon, la moralité, je ne sais pas. Quand. Moi, je suis moral. Je ne sais pas. Il faut demander un prêtre. Je ne sais pas. Moi, ici, alors, qu'est-ce que ça veut dire la moralité? Il doit avoir un code, une fonction de moralité. C'est relativement facile parce que j'ai pu implémenter une fonction de moralité sans connaître qu'est-ce que c'est la moralité. Parce que tout simplement, c'est une fonction utilitaire avec une fonction pas définie, je dis moralité. Et après, des règles qui peuvent être des normes sociales qui alimentent cette fonction d'utilité. Alors ça, c'est le grand avantage de la modélisation. Que j'ai pu mesurer des choses et implémenter des choses parce que c'est un mécanisme. Tout simplement, j'ai besoin de quelques numéros et une fonction. Alors, cette règle provoque celle-là. Cette règle, c'est ce qu'on appelle les moteurs de moralité. Ça y est. Il y aurait un moteur de moralité, un moteur de valeur éthique, un moteur de n'importe quoi. Mais si vous n'êtes pas capable de dire ça existe, il faut introduire son modèle, ça n'existe pas sur le modèle. C'est la dernière phrase de Wittgenstein. Wovon man spricht nicht, muss man schweigen. Sur cela qu'on ne peut pas parler, il faut se taire. Si vous pouvez écrire, on peut l'analyser. Si vous ne savez pas quoi que c'est impossible d'étudier. Alors, pour n'importe quel sujet historique, de quoi parlez-vous? Le problème, c'est qu'après, il faut restituer le résultat de l'analyse qu'on a faite à la population qui n'est pas munie de ces mêmes concepts. Donc, il faut reconstruire vers des concepts que le politicien, enfin, l'homme lambda est... utilise couramment et dans lesquels il attend qu'on lui restitue le résultat de l'enquête. Parce que en physique, alors finalement, l'homme lambda, il s'en fout que, de comprendre la théorie des corps, la théorie quantique. Ce qui intéresse, c'est d'avoir de l'électricité avec une centrale nucléaire et pour dire, bon, voilà, j'ai eu raison de vous payer parce que vous êtes capable de, etc. Mais dans les sens sociales, là, il y a une fonction critique aussi. Ça introduit forcément une fonction critique de la part de celui qui a fait cette analyse. Comme tu l'as décrit, parce que ça oblige à déconstruire les concepts. Et donc, celui qui paye, il ne sera peut-être pas très content quand on lui ait déconstruit ses concepts, parce que bah, ça va être contre ses attentes. Tu vois ce que je veux dire? On a commencé à travailler sur les écoles pour changer l'idée de l'histoire qu'on a les écoliers avec des videogames. Avec, je ne sais pas si vous connaissez Civilization. C'est extraordinaire. C'est un jeu que tu peux créer une société. Alors, on va voir l'évolution de cette société. Mais l'apprentissage, ce n'est pas l'utilisation de Civilization. Mais c'est d'offrir les codes de Civilization et dire aux enfants, aux écoliers, alors, il faut truquer les videogames pour obtenir la société que tu veux obtenir. À partir du moment que les écoliers comprennent cela, l'histoire aura fini complètement avec cette histoire révérencielle et textuelle. Parce que l'histoire, c'est découvrir les mécanismes des choses sociales, qui sont les choses les plus simples. Quand on parle avec un historien, et pourquoi vous recommandez d'étudier l'histoire? Parce que l'histoire, il faut connaître les passés pour construire le futur. Ça, c'est blablabla. Ça ne signifie rien. Théoriquement, la phrase a une référence à la causalité. Quelle causalité? C'est pour cela que je crois que les jours des historiens ont fini. Et les jours de l'informatique viennent de commencer. Il faut être provocatif, sinon... Ça me va, hein. Moi, je vois très bien qu'on fera... Ah ben, en tant qu'informaticien, bien sûr. Nous, je pense qu'on sera un peu plus partagé, ouais, mais on est ouvert... Quelquefois, j'ai trouvé qu'il est plus facile d'enseigner histoire formelle à un informaticien qu'enseigner formalisé un historien. Alors ça, c'est très très grave du point de vue de notre enseignement. Mais bon. Voilà, bon, c'est pas une touche optimiste le dernier mot, mais... Je suis très très optimiste. Tu dois éteindre...